Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Salut à toutes et à tous, ici Donny Jeep et bienvenue pour ce nouveau podcast La Cantina Shitaba, donc le podcast qui cause jeux vidéo devant une bonne bière corélienne. Alors comme d'habitude aujourd'hui pour faire le service, je vais être accompagné de Mac Rémic. Salut Mac Rémic. Salut. Je serai aussi accompagné de Johanna qui est de retour. Salut Johanna. Salut. Et aujourd'hui nous allons être rejoints, il nous fallait une quatrième personne pour notre partie de Sabak, donc on va être rejoint par Jérémy. Salut Jérémy. Salut à tous. Alors comme tu es un petit nouveau, tu vas juste te présenter très rapidement, nous dire un peu qui tu es avant qu'on attaque ce podcast. D'accord, alors rapidement, donc je suis sur Twitter d'abord et sur iTunes aujourd'hui, donc je suis un passionné de culture au sens le plus large. Donc vous pouvez me suivre sur Twitter, ça sera avec grand plaisir. @JérémyValade, JEREMYVALADE. Chaque jour, je poste des tweets qui parlent de ciné, de musique, de tout ce qui me passe par la tête, tous mes coups de cœur. Et sinon, j'ai un podcast mensuel sur iTunes et SoundCloud, dédié aux jeux vidéo, où c'est difficile à expliquer. Disons que d'une manière un peu poétique, j'essaie de parler d'un jeu qui m'a marqué, que j'ai fait 10 ans avant ou 10 jours avant. C'est tout à fait improbable. Et je vous invite aussi à l'écouter et surtout me dire ce que vous en pensez. Voilà. Okay, merci. Ok, ben merci. Alors je reprécise juste pour Johanna que Johanna, tu écris sur jesuisungamer.com. Tout à fait. Et que Mac Rémy, que tu fais le podcast avec moi, tout simplement. Voilà, c'est tout, je fais rien d'autre à côté. Ouais, tu gères aussi le salon Discord parce que je suis une brêle sur Discord. Voilà, ça c'était voilà, pour la petite. Exactement. Sinon, cherchez pas ma chaîne, cherchez pas de podcast, je ne fais rien d'autre. Donc aujourd'hui, pour ce podcast spécial, donc tous les podcasts sont spéciaux en fait, à chaque fois, vous savez, c'est sur un thème en particulier. Et aujourd'hui, comme nous sommes en pleine période de festival de Cannes, donc là nous sommes à la moitié du festival le jour où nous enregistrons, à savoir dimanche 13 mai. Et si je ne fais pas n'importe quoi dans le montage, normalement, vous pouvez écouter ce podcast le samedi 19 mai, jour de la clôture du festival de Cannes. Donc qui dit Cannes dit marche, qui dit marche dit cinéma, il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais en tout cas, on va parler jeux vidéo et cinéma aujourd'hui dans ce podcast. Donc sans transition, parce que pourquoi faire des transitions en même temps, on va faire un cut direct et coupé pour la première partie. Donc la première partie, on va parler un petit peu de tout ce qui est adaptation jeux vidéo au cinéma, qui ne jouit pas d'une grande, merci de ne pas m'aider les amis. Un grand succès. Un grand succès, du moins un grand succès critique et public. Donc au niveau du cinéma, qui c'est qui veut un peu nous parler, un peu de nous faire une brève histoire, un peu des adaptations de jeux vidéo au cinéma? Oh, ben, je pense que je vais m'y coller. Bon, ok, Mac Rémic, ben, vas-y. Donc le premier film qui est une adaptation d'un jeu vidéo, donc en excluant les marchés chinois et japonais qui font des trucs en interne et qui ne s'exportent pas, donc c'est Super Mario Bros. Sorti en 1993, donc adaptation du jeu de plateforme qui marche extrêmement fort donc sur Nintendo, Super Nintendo, que tout le monde a dans son salon ou presque, tout le monde connaît Mario. Et donc, c'est la première adaptation avec un casting qui est intéressant parce que, par exemple, on a Bob Hoskins dans le rôle de Mario. Et franchement, on ne peut pas penser à un autre acteur quand il s'agit d'incarner Mario. Il a la tête vraiment de Mario, quoi. Il a vraiment physique pour ça. On a un Luigi qui est original, qui est incarné quand même par John Leguizamo. Et on a Dennis Hopper qui joue le rôle du méchant, du roi Koopa, donc un méchant un peu déluré, mais bon, il a l'habitude, parce qu'on l'a vu aussi dans un rôle un peu similaire dans Waterworld, par exemple. Donc c'est un film qui est quand même très particulier, donc moi je l'aime beaucoup, parce qu'il a vraiment un côté années 90 que j'adore, mais globalement, bon, ben, c'est un peu particulier, de toute façon, Mario, bon, ils ont pris l'univers, ils ont essayé de faire un truc complètement différent, donc ça donne un script vraiment, vraiment atypique. Je fais un petit pitch vite fait pour montrer à quel point c'est n'importe quoi. Ouais, bah vas-y. Hein. Ouais. Allez, bah, c'est parti. Donc, alors, le pitch, il y a les frères Mario qui sont plombiers dans Brooklyn. et qui vont par hasard se retrouver dans une situation où... Attends, je vais la refaire parce que j'ai perdu le fil. Ah oh putain, le montage que je vais Donc, taper. ouais, désolé, mais là je suis parti en cacahuète. Donc on suit les frères Mario qui sont des plombiers à Brooklyn. Et pas très loin de Brooklyn, en fait, eh bien, il va y avoir des recherches archéologiques qui sont menées et, sur une météorite qui est probablement la météorite qui a éradiqué les dinosaures, donc il y a je ne sais pas combien de millions d'années. Sauf qu'en fait, eh bien, cette météorite, elle mène un portail vers le monde des dinosaures qui ont survécu et qui ont évolué et qui ont une apparence humaine. Et tous ces dinosaures, ils sont commandés, enfin ils sont sous les ordres du roi Koopa, donc incarné donc par Dennis Hopper. Et lui, le but, c'est de retrouver le fragment de la météorite, parce qu'elle n'est pas entière, il manque un petit fragment. Il veut chercher le fragment de la météorite pour unifier les deux mondes et régner sur les deux en même temps. Voilà, donc c'est vraiment du n'importe quoi. Donc effectivement, il y a du placement de produits à outrance. On voit qu'ils ont essayé de mettre tout ce qu'il y avait dans Mario. Ils l'ont mis, donc les petites bombes, les monstres sur lesquels on saute, on leur écrase la tête. Donc voilà, bon, c'est les monstres qu'on voit dans l'univers parallèle. Les Goombas, Les non? Goombas, voilà. C'est Mais en Goombas. dehors de ça, eh ben, c'est à peu près tout. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose d'un jeu où on passe son temps à sauter sur la tête des monstres. Et ça donne un film quand même. Ben voilà, c'est vraiment particulier. Alors beaucoup le décrivent comme quoi c'est une daube, etc. Donc oui, effectivement, il est pas très très bon, mais bon voilà, il est vraiment unique en son genre et il faut le souligner. Oui, c'est surtout, faut penser que bon, c'était en 93, c'est ça, à peu Oui, près. quatre-vingt-treize. Voilà, on a pas les mêmes effets spéciaux que l'on a aujourd'hui. Après, faut pas se mentir sur ce sujet. Ils ont juste essayé, on va dire, de gratouiller un petit peu bah, tout ce qui est derrière cette licence. Même si le casting il est très bon, certes, ça reste quelque chose d'un peu brouillon, quoi. Tu l'as dit tout à l'heure, le scénario est complètement tiré par les cheveux, donc. Mais c'est vrai qu'après le film, pour l'avoir vu du coup aujourd'hui, c'est assez frais dans ma tête. Ça relève plus du nanar, quoi. On va beaucoup rigoler finalement du ridicule de certaines situations. Mais c'est pas un film, je trouve. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un film qui laisse une mauvaise impression à la sortie, quoi. Alors que certaines adaptations peuvent nous dégoûter en quelque sorte. Ça n'a pas été le cas de ce film pour moi. Mais bon, Ouais. après. Ensuite, comme disait un youtubeur très connu, bon, je vais le citer, c'est le Fossoyeur. La différence entre le nanar et le mauvais film, c'est que ben, le nanar, on va en rigoler, mais parce qu'effectivement, c'est du n'importe quoi, on en rigole, alors que le mauvais film, on va rigoler de la médiocrité de la réalisation, du jeu d'acteur, etc. Et je trouve qu'à aucun moment, Mario Bros, il tombe dans cette seconde catégorie. On en rigole parce que. Parce que oui, c'est drôle, c'est n'importe quoi, mais Ouais, c'est c'est un ça, peu un délire. exactement. Ouais, c'est vrai, en fait, je suis d'accord avec toi. C'est pas comme si tu avais un film avec Adam Sandler dedans, quoi. Là, on pourrait parler de médiocrité, par exemple. Voilà. Non, là, on rigole vraiment de la loufoquerie des situations, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est complètement malade, des fois. Bon, en tout cas, mais ouais, non, mais en fait, bon, c'est le pro, Faut le voir, faut le c'est, ouais, voir. non, mais c'est le premier, mais effectivement, c'est, Oui. voilà, c'est, de toute manière, en même temps, comme disait Macrémic, enfin, quand tu tapes de Mario Bros, quel script tu voulais faire autour, enfin, voilà, c'est toujours pareil, Ouais, c'est sûr. c'est la première incursion, la seconde incursion, au niveau des adaptations, en fait, elle va venir l'année suivante avec deux films. Alors, on va peut-être plus en parler d'un que de l'autre, qui partagent à peu près le même univers, à savoir que c'est des films de combat, hein, d'arts martiaux. À savoir, on va avoir la sortie simultanée de Double Dragon, un film de 1994, que l'on doit, je ne sais même plus son nom, je sais dedans qu'il y avait Alyssa Milano toute jeune et Robert Patrick, donc le fameux T-1000. Et en 94 aussi, on va avoir surtout le Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, un casting de folie, hein, Jean-Claude Van Damme, Kylie Minogue, on a aussi Westudy qui est un super acteur, hein, acteur indien qu'on a vu dans Dernier des Mohicans. Et donc voilà, réalisé par Steven Souza. Steven Souza, c'est quelqu'un qui avait fait aussi Judge Dredd avec Sylvester Stallone. Donc voilà, c'est un grand nom, hein. Et donc voilà, donc Street Fighter. Et t'as oublié, excuse-moi, je te coupe, mais t'as oublié. Donc, je sais pas comment on prononce, Raoul ou Raoul Julia. Et Raoul Julia qui ouais, fait. Raoul Julia, et c'est son ouais. dernier, et voilà. c'est son dernier rôle d'ailleurs en plus. C'est dans son dernier rôle, il est décédé d'une maladie, je crois. Ouais. Et donc, c'est le père de la famille Adams pour. Mais alors, oui. Un super acteur. Et comme tu dis, c'est un super acteur parce que même la famille Adams, c'est surtout un super acteur brésilien qui a fait des grands films, notamment Le baiser de la femme araignée qui est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et effectivement. Présumé innocent. Et présumé innocent, le fameux présumé innocent aussi. Et ouais, effectivement, Raoul Julia est un super grand acteur et c'est vrai que le mec, son dernier film, c'est Street Fighter. C'est pas le meilleur. Ouais, il s'est donné sur le tournage, il était malade en plus en plein pendant le tournage. Mais bon, ouais, c'est vrai voilà. que ça finit comme ça. Mais en tout cas, donc Street Fighter qui sort. Et on l'a vu ensemble, Macrémic, au cinéma, je crois. Ouais, on était au cinéma, on était allé le voir ensemble. Comment si ça? En quelle année vous l'avez en vu? En 94. Mais quand c'est sorti. 94 ou 95, selon en France, peut-être. Je sais. Il est sorti fin 94, donc on a dû le voir début 95. Il est sorti en décembre. Ouais. Ouais. Je suis né en 93, donc. Ah, bah ouais, mais que veux-tu? Ouais. Mais moi, juste pour me permettre, ça reste un super bon moment passé avec mon papa parce que je me rappelle, je l'avais en VHS. Voilà. Mais nous c'est pareil, mais en fait c'est pareil, comme c'est un jeu vidéo, Street Fighter c'est quand même un jeu de combat, alors des fois il y a des petites histoires qui seront développées derrière, ok, mais bon, effectivement ils vont faire, alors les fans, il y a certains fans qui n'ont pas été contents il me semble, parce que certains personnages sont un peu relégués en arrière-plan, par exemple Dhalsim qui est juste un scientifique, ou même Blanca qu'on va pas voir beaucoup dans le film. Mais après le film, alors c'est un nanar, là c'est pareil, c'est encore un nanar, mais moi j'ai beaucoup d'amour pour ce film-là, quand même ce soit pas un bon film, mais ce côté nanardesque est quand même vraiment sympa. Ils ont voulu vraiment développer une histoire tout autour, alors c'est une histoire qui part dans tous les sens, avec une histoire de, bah, donc voilà, un dictateur qui monte son royaume, machin, donc ils ont partagé les personnages. Mais en. Général Bison. Ouais, le général Bison, voilà. Et donc, qui est avec Sagat, et puis voilà. Donc, les personnages se frittent, c'est un prétexte, en fait, à des combats. Mais les combats étaient quand même assez bien fichus. Et en fait, on passe un bon moment. Alors, évidemment, c'est pas du tout un grand film, loin de là. C'est même. C'est un nanar, mais c'est un nanar, donc très agréable, en fait. Oh, ouais, et puis surtout, en 94, 95, ça valait quand même le coup, quoi. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais gamine, j'avais kiffé celui-ci. Après, il y a eu d'autres. Je crois qu'ils ont sorti d'autres, mais hors animation, il me semble, ou alors c'était les Mortal Kombat qui étaient pas bons du tout. Ils ont fait Mortal Kombat aussi par la suite. Je crois que le premier Mortal Kombat, ça va être en 95 ou en 97 avec Christophe Lambert. Ouais, bah je crois que c'était 93, ça. Voilà, avec Christophe Lambert. Bah ça par exemple, j'avais pas aimé. C'était pas génial, non, mais bon. Ouais, et puis ils ont fait après des suites assez horribles. Il y a eu le Mortal Kombat Annihilation. Dans le genre Street Fighter aussi, on va juste le citer, mais ils avaient fait le Street Fighter The Legend of Chun-Li. Qui était bien ouais. mauvais avec je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice qui jouait dans Smallville et qui est pas du tout fait pas du tout d'arts martiaux, donc c'était vraiment n'importe quoi. C'est la blonde, Christine Crack. Christine Crack, voilà. Ah oui. Ouais, donc ouais, ouais c'était pas une bonne idée. Mais toi Johanna, justement qui est assez spécialisée dans Street Fighter, justement ce serait peut-être l'occasion de parler aussi un peu des films d'animation. On va faire une petite parenthèse Street Fighter qui ont été développés, parce que je sais que toi tu connais un peu. Alors plus. Ouais, spécialisé c'est un bien grand mot, j'aime juste ça, mais en fait voilà, c'était juste pour évoquer, moi, un des animés de Street Fighter. En fait, c'est le Street Fighter 2, tout simplement, donc en animé. Lui, il date de 96 et il est juste excellent. Si vous avez l'occasion de le voir ou si vous l'avez déjà vu, franchement, enfin, moi, c'est vraiment mon préféré. Je l'ai vu, je sais pas, j'en sais rien, plus de 1000 fois au moins. Et encore aujourd'hui, je prends encore du plaisir à le regarder. Je le trouve incroyable. Il y a une bonne histoire avec les héros, etc. C'est très prenant. Voilà. Donc, ok. Donc, j'avais juste ça à mentionner. Mais non, mais c'est très bien. Non, mais c'est bien de mentionner des films qui ont juste des adaptations, qui ont juste bonnes, puisqu'effectivement, de toute manière, c'est pas toujours le cas. Donc, après, dans les adaptations, donc, on va se rendre compte que finalement. Est-ce que je peux revenir sur Street Fighter oui, vite fait bah, vas-y. Pour souligner quand même les qualités du film. Je voulais préciser deux petites choses. Alors déjà au niveau des personnages, donc ça s'appuie sur Street Fighter, donc New Challenger, puisqu'on a les personnages de Camille, donc incarné par Kylie Minogue entre autres. Il y avait juste Fei Long qui n'apparaissait pas, donc je pense que c'est un problème de droit parce que Fei Long ressemblait énormément à Bruce Lee. À Bruce ouais. Lee, merci. Et donc il n'apparaît pas dans le film. D'accord. Et par contre, il est remplacé donc par un japonais. Alors désolé, j'ai plus son nom en tête. C'est capitaine, je sais plus quoi. Et en fait, l'histoire de ce personnage est intéressante. Parce que, alors déjà, l'acteur, en plus, il ne me parlait même pas anglais. Toutes ses prises sont dans sa langue natale, en japonais. Et ce film-là, en fait, il faut souligner que ce film-là a été réadapté dans l'autre sens en jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un jeu vidéo où, avec les personnages digitalisés du film, un petit peu comme Mortal Kombat était à l'époque. Exactement, en 95. Et voilà. Et justement, et donc, ce personnage japonais, donc, il remplace donc, Fei Long dans le jeu. Et donc, il est là. Alors, effectivement, donc, franchement, si vous avez 5 minutes à perdre, enfin, regardez des vidéos, mais n'y jouez pas. C'est oui, quand parce même, que le jeu est très mauvais, par contre. Hein, c'est ça, en fait. C'est très mauvais. Ils ont pris un jeu pour en faire un film, pour en faire un jeu tiré du voilà. film, et donc là, faire un truc vraiment ignoble. C'est unique. Ouais. C'est quand même unique dans l'histoire du jeu, je crois. Il n'y a que ça qui a été réadapté dans l'autre sens. Et donc il y aura les Mortal Kombat aussi qui, donc on voit qu'il y a pour l'instant ils adaptent en fait et c'est des films de combat qui vont être adaptés ou après sinon on va avoir aussi tout un pan horreur action aventure qui va se développer donc ça c'est on va dire que les années 90 il n'y a pas beaucoup de comment ça s'appelle de d'adaptation par contre ça va vachement s'accélérer au début des années 2000 donc on va pas tous les faire et avec notamment par exemple deux films qui sortent coup sur coup en 2 ans en fait et qui vont être des gros succès au box-office pour le coup à savoir le Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider avec Angelina Jolie de 2001 et l'année suivante on a le Resident Evil de 2002 réalisé par Paul W. Anderson donc le mauvais Paul Anderson et avec Mila Jovovich donc ça va faire plein de films et tout ça donc ça justement qui c'est qui va en parler de ces films là oui. Bon, j'ai pas en tête les tout premiers. Par contre, j'ai en tête un que j'avais vu à l'époque avec mon meilleur pote au ciné. On avait été voir, c'était le Afterlife. Donc, c'est quand même 10 ans après le premier. Quoi. The Cradle of Life, je crois, c'est ça ? Non, il parle de Resident Evil, en fait. OK. De Resident Evil, ouais. Resident Evil Afterlife. J'ai la liste là, de Wiki sous les yeux, quand même. 300 millions de budget pour ce film. Ça me fait... C'est quand même assez hallucinant. Non, c'est le box-office. Tu t'es trompé sur le rôle. Ah oui. 300 millions au box office, ouais. C'est aussi énorme. C'est aussi énorme pour le coup. Parce que quand même, c'est quand même, en termes d'esprit, l'esprit Resident Evil n'est pas du tout là, quoi. Je veux dire, il y a peut-être des logos, des choses qui ressortent, effectivement. Parce que bon, on est quand même dans l'univers. Mais en termes d'esprit, on n'y est pas. Par contre, à l'époque, c'est vrai que bon, je devais avoir, à l'époque, 2010, j'avais 14 ans, quelque chose comme ça. Oui, 14 ans, c'est ça. J'avais 14 ans. Donc, quand on va voir un film comme ça à 14 ans, j'avais pas un affect absolument incroyable avec la licence. Et on arrive à passer à un moment qu'on pourrait presque qualifier de plaisant. Quoi. C'est-à-dire que si on y va pour quelque chose, pour de l'action, quoi. En gros, pour de l'action, je me souviens qu'à l'époque, c'était en 3D, il était très impressionnant en 3D. C'était un porte-étalon de cette technologie. Quoi. C'était très fort. Donc c'était assez impressionnant, mais derrière, l'esprit Resident Evil, pour les fans, c'est... Pour revenir en arrière, justement, le premier, quand il sort, déjà, le personnage principal, ils vont l'axer autour du personnage donc, de Jovovich qui s'appelle Alice et qui n'est donc pas un personnage qui est dans les jeux vidéo. Donc il y a plein de personnages qui sont dans la saga jeux vidéo. Alors moi, c'est pareil, j'ai pas un affect particulier avec la saga, hein, mais au lieu de prendre un personnage comme Jill Valentine qui vont mettre dans le second qui va sortir après, ils font ce personnage autour de Jovovich. Et le premier, en fait. Pour le coup, il y a une histoire quand même de manoir, après il y a un labo souterrain et tout ça, et le premier, il est pas terrible, mais franchement, il se tient encore assez. C'est après vraiment que la licence va partir un peu dans tous les sens, où finalement la fidélité, il s'en fiche totalement. Mais par contre, si la licence est développée, comme tu dis, c'est parce que je crois qu'il y en a eu, ils en ont fait 6 là au moins, peut-être même 7. Ouais, ils en ont fait beaucoup, 6 ou 7. Je sais qu'il y en a un, et je crois que c'était le 1 ou le 2. Où il y avait une scène avec des lasers là. En fait, j'avais dû le voir. C'est le premier. Cette scène. Ah ouais, elle est dégueulasse cette scène. Ouais, cette scène a été assez mythique. C'est le premier, mais en fait c'est ça, et c'est parce que comme tu l'as dit, c'est une licence qui rapporte beaucoup beaucoup d'argent. C'est celle qui rapporte d'ailleurs, je pense, le plus d'argent au box office. Donc c'est pour ça qu'ils continuent à en faire. Et là ils ont dit que c'était terminé, qu'il y avait un final chapter, mais Hollywood maintenant ça serait un chapter final avant de faire un reboot et de tout nous remettre encore sur le coup. Ouais. Donc parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Exactement. Ouais. Mais effectivement il y a cette licence là. Ouais. Et pour revenir, puisque Joanna parlait de Cradle of Life, qui est le second Tomb Raider, donc effectivement on aura deux Tomb Raider coup sur coup. 2001 et 2003 avec Angelina Jolie. Et donc là, c'est vraiment un film à la gloire de Lara Croft et surtout d'Angelina Jolie. Le premier, je sais pas s'il y en a qui ont des souvenirs, le premier, quand même, Il est assez cheap, mais il a ce côté film. Voilà, il y a un peu esprit film action aventure, un peu assumé, un peu à la con, qui il passe encore. Bon, ça passe. Ouais. Le second était vraiment, il se prenait plus au sérieux, donc le second était pas bon. Le premier, franchement, bon, mais en fait, le premier en fait colle vraiment pour le coup assez au jeu vidéo. Enfin, je veux dire, au premier Tomb Raider. Ouais, ça retranscrit bien l'esprit, oui. Donc bon, c'était... Oui. Voilà, et d'ailleurs, je crois que c'est encore, de ce jour, c'est un des films adaptés jeux vidéo qui a eu le plus de succès, au box-office, ouais. Ouais, il doit avoir pas loin de 280 millions de dollars, donc... Bah, ça m'étonne pas. Après, personnellement, mon avis, c'est que je pense que c'est une des rares licences qui a été le mieux exploitée en matière de jeux vidéo, où tout s'est bien passé derrière, quoi. L'exploitation au niveau déjà du personnage féminin, bon bah ça on avait déjà parlé dans le précédent podcast, mais déjà choisir Angelina Jolie, c'était pas par hasard. Pareil, ce côté un petit peu aventurier, si je peux me permettre de dire, un peu Indiana Jones un peu féminin, oui, ça fait quand même pas mal rêver, surtout c'était quoi, en 2001, ouais, c'est ça? 2001. Mais après, c'était très axé, en plus, film pour les ados, hein, de cette manière. Toute la com était axée là-dessus. On met Angelina Jolie. Lara Croft, faut dire ce qu'il y a. Lara Croft aussi, c'est quand même un personnage, même avant, quand c'est sorti en 95, 96. Les premiers Tomb Raider, bah, c'était les jeunes, on a déjà parlé dans le précédent podcast, mais c'était les jeunes ados, les jeunes hommes qui aimaient ça. Donc forcément, toute la com est faite dessus. Et dans Resident Evil, c'est pareil, hein, quand ils mettent autour de Jovovich, qui avait eu son petit succès juste avant, enfin quelques années avant avec le cinquième élément, c'est pareil, Isaac sera un personnage sur l'affiche, en gros un personnage féminin, habillé de manière un peu sexy, tout ça, pour vendre le film comme ça, il faut pas se leurrer. Et Tomb Raider, c'est un peu le cas, je sais qu'il y a des gros fans de Tomb Raider, ils me mettront des pouces rouges sur la vidéo, mais c'est pas grave. Mais c'est un peu ça, et il faut dire ce qui est, c'est que les scripts, de façon des Tomb Raider, n'ont jamais brillé, hein. Je veux dire, c'est un peu du grand n'importe quoi, fourre-tout archéologique, action-aventure mythologique. Donc bon, ben, le film, il est exactement comme ça. Le casting derrière est pas dégueu, puisqu'il y a quand même Ian Glen, donc c'est Serge Aura dans Game of Thrones. On a aussi Daniel Craig, avancé être James Bond. On a John Voight qui fait le père, qui est le vrai père d'Angelina Jolie, qui fait aussi le père de Lara Croft. Donc voilà, c'est un film qui se tient, qui... Ouais, c'est pas mal. Globalement, franchement, je trouve que c'est une licence qui est très bien exploitée. Voilà. Ensuite, alors on va peut-être pas passer non plus trop de temps sur tout, mais il va y avoir, donc il va y avoir plein de films qui vont se développer. Dans les années 2000, rapido, on va quand même mettre un coup de projecteur sur une figure assez marquante dans le mauvais sens de l'adaptation du JV au cinéma. C'est notre ami Uwe Boll, qui est un réalisateur, je tiens au mot, allemand. Et donc qui va faire une série. Alors son but, lui, ça va être de faire du pognon. Il a toujours dit, hein, qu'il était là pour faire du pognon. Enfin, les autres aussi, mais ils le disent pas. En fait, ils disent, ah, mais on va faire ça pour les gamers et tout. Lui, il a dit non, moi je fais ça. Ils sont plus malins. Voilà, lui, il assume. Il fait des gros doigts à tout le monde et dit, moi je fais ça pour le pognon. Ça vend. De toute façon, il faut faire des films où il y a que de l'action. Le reste, on s'en fout. Et donc il va développer plein de films. Il commence en 2003 avec House of the Dead, donc c'était un espèce de jeu Sega, hein, où on tirait sur des morts vivants. Et après il va. C'était un jeu. Ouais, exactement. Et après il va balancer avec du Alone in the Dark, il va faire Far Cry, il va faire King Rising, je sais plus ce qu'il va faire, il va faire plein de films comme ça. Mais en tout cas, il va faire donc plein de films, il va les massacrer, donc tous les fans de jeux vidéo vont un peu le surnommer The Master of Error. Donc Master, ouais. Ah, mais il a été critiqué. Exactement. De ouf. Donc c'était en référence à Carpenter qui surnommait The Master of Horror. Bon, ben lui c'est Error. Et je sais pas si vous avez rappelé cette anecdote où il avait invité des journalistes qui le critiquaient à monter sur un ring et à le combattre, sauf qu'il avait pas dit qu'il était et qu'il avait fait de la boxe, qu'il avait été champion de boxe. Donc il avait étalé des journalistes comme ça. Donc c'est un mec assez particulier Il est pas tout seul dans sa tête. Non, et Bella, il en fait beaucoup moins, mais de films, mais effectivement, il a massacré pas mal de trucs comme ça. Donc les fans de Far Cry, c'est une blague, hein. Le premier Far Cry, quand même, je sais pas si tout le monde s'en rappelle, c'est un jeu qui se passe sur une île paradisiaque avec des monstres, et lui, en fait, il va faire un film qui se passe dans une usine, quasiment tout le temps dans le noir, avec des super soldats, quoi. C'est genre Universal Soldier du pauvre. Donc voilà, quoi. Mais peut-être que c'était son but après salir quelques survival horror. Bah, son but, c'était faire du pognon. En fait, il avait dit, hein, c'était les jeux vidéo, ça se vend. Et en fait, il a profité, je m'étais renseigné, il a profité, en fait, en Allemagne, ils ont une défiscalisation à 50%. sur les films produits en Allemagne. Donc il prenait des producteurs qui investissaient là-dedans. Et donc même si le film faisait pas un gros succès, eh bien à 50% il était sûr de rentrer dans leurs frais. Donc en fait il a fait ça pour D'accord. vendre après au cinéma. Il sortait même plus au cinéma, mais après vendre des DVD, des Blu-ray. Et donc il s'est fait du pognon comme ça, même si maintenant je crois qu'il a quand même pas mal. Ça explique c'est les chiffres du box-office ou Postal et Far Cry, eux deux, ils ont même pas un million. Ben ouais, mais en fait, ça a été produit avec rien aussi. Direct DVD. Ouais. Et donc c'est pour ça, en fait, c'est juste une question de business vraiment totalement cynique et assumé. Mais bon, en tout cas, il a fait. On va passer sur d'autres, bon, sur plein d'autres choses. Ouais, moi, j'avais une anecdote aussi pour souligner le caractère particulier du personnage. Quand Postal était sorti et tout le monde disait que c'était pourri, lui disait que non, c'était mieux que 99%. Des films qui étaient sortis la même année. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il le pensait ou si c'était vraiment la provocation, mais bon, c'est. Alors, c'est. Voilà, ouais, bon, c'est, là, c'est... Quand tu entends ça, tu comprends le. Enfin, comment. Ouais, ouais. Non, mais après, c'est un type qui aime bien s'agiter comme ça parce que bah, c'est toujours pareil. Mais en même temps, c'est ce que font beaucoup de personnes sur Internet. Hein. Plus on s'agite, plus on crée le buzz. Ah oui, pour faire parler. Donc, lui. Bon, voilà. Hein. Et oui, c'est question de buzz. Il a compris que, bon, c'est plus on parlait, plus on buzz. Ouais, forcément. Ça rentre dans, exactement. Donc après, on aura plein d'autres adaptations. Ils vont adapter aussi des jeux vidéo. Ils vont quand même avoir des tentatives d'adapter des histoires. On va avoir par exemple des tentatives sur tout ce qui va être un peu plus action, type avec Hitman, Max Payne. Malheureusement, Max Payne a été adapté au cinéma. Je m'en remettrai jamais. Ouais. Et drôle de ouais, film. Ouais, ouais. Quelle bizarrerie. C'était un film de 2008. Ouais, ça, c'était une grosse déception. Ouais. Donc, on a les films de combat, les films d'action, aventure, et aussi, donc, on a tout ce qui va être horreur. Avec, avec un film qui, je sais pas ce que vous en pensez, je pense que c'est jusqu'à présent, c'est peut-être la meilleure adaptation à ce jour. Oui. À savoir, je vous laisse en parler. Oui. Silent Hill Silent. Donc, quelqu'un veut parler de Silent Hill Alors, moi, je suis pas vraiment une spécialiste. J'ai juste complètement adoré le film. Je l'avais vu. J'étais quand même assez jeune, sachant que j'avais testé le jeu. Bon, le jeu, faut penser. Il me semble que c'était sur PS1, si je ne m'abuse. C'est ça. Confirmé. Et graphiquement parlant, c'était dégueulasse. Mais bon, voilà, c'est la magie de la PlayStation 1, j'ai envie de dire. Mais Silent Hill, oui, ça reste pareil, hein, une grande adaptation pour moi, cinématographiquement parlant, c'était vraiment une bonne réussite, quoi. On y était vraiment. J'ai eu peur, j'ai ressenti l'adrénaline, tout y était, et même à l'heure actuelle, si je le regarde, je sais que je vais flipper, quoi. C'était extrêmement bien adapté. Ben ouais, justement. Donc ben en fait, après c'était Christophe Gans qui l'adapte en 2006. Donc il y a un gars qui aime les jeux vidéo, le scénario c'était Roger Avary qui l'avait fait, pareil c'est un gars qui aime les jeux vidéo et qui est connu notamment pour avoir fait une autre adaptation mais d'un bouquin et que moi j'aime beaucoup qui est Les Lois d'Attraction, j'aime le bouquin et j'aime le film. Oui. Il a aussi celui qui est à l'origine carrément, d'ailleurs de Pulp Fiction, hein, parce que tout le monde dit Tarantino c'est le scénario mais l'histoire à l'origine c'est Avary, c'est vrai. Il avait fait aussi Killing Zoe donc c'est quand même un mec qui est pas mal. Et en fait, effectivement, comme tu dis, c'est que ça reprenait en fait plus ou moins l'histoire du 1, l'esthétique plutôt du 2, et en plus après, ils avaient vraiment travaillé avec Konami, puisque par exemple, toute la BO du film est composée par le, il y a même des compos originales par donc Akira Yamaoka, je crois que c'est son nom. Le film marche bien, il y avait un bon casting tout ça, et effectivement, c'était. C'est probablement même à ce jour quand je pense que la plupart des gens qui s'intéressent un petit peu, quand on leur demande quelle est la meilleure adaptation, ils citent encore celui-là. Et c'est en 2006. Donc ça fait quand même 12 ans. Et en 12 ans, il n'y a pas eu mieux depuis. Donc on va pas justement s'arrêter à tout ce qu'il y a eu. Mais par exemple, on a eu toute une période où il y a eu quand même les. Parce que là, on était encore dans des studios qui n'étaient pas non plus de. Enfin, voilà, il y a eu les Tomb Raider, tout ça. Mais c'était pas des gros trucs. Après, on a les studios qui vont s'y intéresser quand même. On va voir quand même du. Plus récemment, hein. On va voir par exemple le Prince of Persia. Qui a cartonné au box-office, mais qui a le Prince of Persia, il a que le nom en fait du jeu. Et je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui s'en souviennent. C'est pas un mauvais film. C'était pas mauvais. Mais justement, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas une bonne adaptation. C'est deux choses différentes en fait. Non. Ouais, mais carrément, oui. Et donc après, il y aura un autre Silent Hill aussi, qui s'appelle Révélation. C'est pareil, c'est l'époque de la 3D, donc avec Jon Snow dedans, qui est vraiment pas terrible. Bah, c'est un pléonasme. Non. C'était pas très bon. Ah oui, je l'ai vu. Ah oui, non, effectivement, non, il est pas terrible. Et c'est une vraie déception par rapport au précédent. Carrément, surtout qu'on attendait un peu le précédent. Était suffisamment ouvert pour qu'on ait une suite et finalement, ça aura pas lieu. Ouais, c'est sûr. Et donc, ouais, et puis ils ont pas repris le casting original dans Silent Hill Révélation. Enfin, je crois qu'ils font une apparition, mais c'est peut-être plus des caméos. Et après, on a eu les Hitman qui ont été adaptés aussi. Deux fois adaptés, deux fois ratés. Ouais, surtout la deuxième. Ouais, la deuxième. Et c'est dommage parce que ça, au début, ça, l'acteur était pas mal en plus. Mais en fait, c'est. Enfin, l'adaptation de Hitman, la seconde, c'est un peu Hitman quand moi je joue à Hitman. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie d'être le début du jeu, d'être un peu furtif. Et après, les trois quarts du jeu, je bute tout le monde parce que ça me saoule, je suis nul. Et ben là, le réalisateur, c'est pareil. Genre, le mec, il est furtif. Non, mais c'est ça. C'est le gars, il est furtif. Ouais, il fait un ou deux déguisements. Puis après, bon, ben, je fais péter des hélicoptères et tout. Enfin, voilà, t'sais. Bon, ok. Ouais. Le premier respectait plus l'esprit, mais j'ai un vague souvenir, mais ça m'avait pas plu, mais ça m'avait pas arraché de mon. C'est pareil, mais c'est toujours pareil, c'est parti ce genre de films qui sont des séries B d'action qui volent pas très haut, et si en fait ça s'appelle autre chose que Hitman, que c'est pas tiré d'un jeu vidéo, personne va trop râler en fait. Faut pas confondre bonne adaptation et mauvais film et vice versa, alors souvent ça va de pair. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, donc il y aura des trucs, on aura un Need for Speed aussi qui va être adapté, alors aussi, voilà. Que j'ai pas vu, mais qui est avec l'acteur de Breaking Bad. Je me rappelle plus ton nom, qui joue dans Breaking Bad. Je mémorise très mal les noms, vous en apercevrez. Je cherche le nom, c'est. Aaron Paul. Aaron Paul, voilà. Et ensuite, donc, après, on a quand même les studios qui vont vraiment essayer de s'investir dans les films, hein, puisque, par exemple, on va avoir Blizzard qui va essayer d'investir au cinéma avec Warcraft en 2016. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, celui-là, et qui voudraient en parler? Oui. Ouais, je l'ai Alors, vu. Alors, allez-y, Johanna, Macrémic. Du coup, je peux commencer? Vas-y. Tout à l'heure, en fait, on essayait de faire une différence entre un bon film et une bonne adaptation. Warcraft, à mes yeux, était un excellent film. C'était pas forcément une bonne adaptation pour certains points par rapport au jeu Warcraft, mais c'était un très très bon film. Après, il y a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais 2-3 points au niveau des effets spéciaux qui étaient nuls. Je sais pas si certains l'ont vu, mais je pense à une scène où ils sont dans une espèce de fosse et t'as le sorcier qui intervient et là, c'est ultra mal fait. Mais à part ça, pour moi, ça reste un excellent film qui malheureusement ne va pas avoir de suite parce que comme c'est Blizzard a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et du coup, il n'y aura pas de suite. Mais petite anecdote, je ne sais pas si vous étiez au courant, qui réalise le film. C'est Duncan Jones, c'est le fils de Bowie. Oui, voilà, exactement. Et juste pour ça, et ben, top. Parce que vous en avez pensé. À ce jour déjà, alors c'est pas un chiffre, mais à ce jour c'est la plus grosse réussite d'adaptation de jeu vidéo. Hein. Il a plus de 400 millions de dollars box office, donc parce que dans le monde il s'est bien vendu et tout. Et donc Macrémic, toi justement tu l'avais vu aussi, tu avais envie peut-être d'en parler un peu. Bah alors moi je suis pas expert de l'univers de Warcraft et en particulier de World of Warcraft, je connais pas du tout. Moi j'ai trouvé que c'était un bon blockbuster bien calibré avec tout ce qu'il faut d'effets spéciaux. Mais voilà, ensuite, voilà, ça va pas me laisser un souvenir impérissable, honnêtement. C'est genre d'univers déjà que j'aime pas à la base, ça me gonfle un petit peu. J'ai trouvé ça bien fait, mais bon, voilà, c'est tout. Alors, par contre, il me semble que c'est bien une. Ils ont essayé de faire une adaptation de Warcraft et de pas de World of Warcraft, parce qu'il y a la différence entre Warcraft et World of Warcraft. Warcraft, c'était avant World of Warcraft. Ah, si tu vois, j'en sais largement moins. Il y a des petits clins d'œil World of Warcraft, évidemment. Moi, je m'étais arrêté à Warcraft 3 et. Oui, voilà. Et tu vois, même ça, en fait, ensuite, t'as les orcs, t'as les humains, etc. Et de toute façon, le film est basé là-dessus, sur la rivalité entre ces deux clans, qui sont les clans de base du tout premier jeu Warcraft. Même s'il y en a d'autres qui arrivent après avec les elfes et tout ça, mais je crois que le film il s'aventure pas du tout là-dedans. Enfin, si je me souviens bien. Et bon, voilà. Un bon blockbuster bien équilibré, voilà, c'est tout. Mais bon. Alors la même année, il y a aussi Assassin's Creed qui sort et c'est pareil, c'est une coproduction avec Ubisoft, puisque Ubisoft en 2011 ils ont montré parce que justement les éditeurs maintenant de jeux vidéo, bon, ils ont vu qu'on s'adaptait n'importe comment, donc ils ont monté leur propre studio pour être plus partie prenante. Et donc ils avaient monté un truc qui s'appelle Ubisoft Motion Pictures, tout simplement, en 2011. Et donc ils ont produit le fameux Assassin's Creed qui, quand on a vu un peu la production, avant que le film sorte, on se disait c'est peut-être enfin le film qui va vraiment casser la fameuse malédiction des adaptations de jeux vidéo. Et malheureusement, en fait, ça va pas être le cas. Alors c'est pareil, il a pas fait un gros flop énorme, hein. Mais effectivement, ouais, il est sorti et c'est quand même une grosse déception, surtout quand on voit qui c'est qu'il y avait à la production et tout ça. Ouais, Enfin, ouais. il y avait quand même un casting vraiment très intéressant. Le Ah ouais. réalisateur. Mais comme quoi, un casting, ça fait pas tout, hein. C'est ouf. Eh non. Ah non, Mais loin en de là, loin de fait. là. Et on le voit beaucoup dans les adaptations de. En fait, Ouais. surtout, il faut un script, il faut que le script soit bien mis en place. Et c'est vrai que là, en fait, avec l'Assassin's Creed, bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a un côté qui est intéressant du film, c'est toute la partie médiévale, mais qui prend que 30% du film. Et tout le reste, en Ouais. fait, c'est n'importe quoi. Et c'est un gros problème de script. Et je pense qu'on va attaquer ça de suite, justement, quand on va. Enfin, en tout cas, plus tard dans le podcast, quand on va parler un peu de qu'est-ce qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Je pense que le script c'est quelque chose qui reviendra beaucoup. Et donc là récemment, ben après, donc on a eu donc Resident Evil, et là tout récemment, donc on a eu deux films qui sont sortis en 2018. Là très récemment, Rampage, qui est adapté d'un jeu vidéo. Tout le monde l'oublie, mais c'est adapté d'un jeu vidéo, ce fameux film avec The Rock, qui vient de sortir, qui est encore en salle d'ailleurs, je crois. Avec le Ouais, c'est singe? adapté d'un jeu vidéo. Oui. Alors, il est Ouais, je voulais trop le plus à voir, l'affiche. lui. Je sais pas ce que Ben je ça sais pas, donne. c'est réalisé par Brad Payton, donc c'est le gars qui a fait Ant-Man, donc bon. Voilà. Et avant, en mars, nous avons eu le fameux Tomb Raider, encore un Tomb Raider, qui. Alors moi, je vais pas donner mon avis parce qu'il est déjà sur ma chaîne. Voilà, je me fais de la promo, hein, les gars. Donc vous avez mon avis sur le film, qui est pareil, qui est pas un grand film, mais qui, pour moi, était une bonne adaptation et qui était un bon petit film. Donc il arrivait à gérer les deux, mais c'est pas lui non plus qui a fait un chef-d'œuvre, ni quoi que ce soit. Mais le script était à peu près bien et tout ce qu'il y avait à la production était bien aussi. Donc moi je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui veulent en parler, mais moi j'ai déjà donné mon avis, donc c'est pas la peine de. J'ai pas pu le voir, ouais, mais par contre, je conseille à ceux qui nous écoutent de foncer sur ta vidéo, Donji, parce qu'elle est très intéressante. Elle est étayée de plein de. Tes propos sont étayés de plein de choses, de plein de données sur l'équipe. C'est super Merci. intéressant. Alors bah, Il faut les gens regarder vont croire cette que t'es vidéo payé et pour voir. dire ça. Et Non, non, non, je précise que il n'y a pas de. Non, non, non, Mais rien entre non, nous. effectivement. Non, mais voilà, c'est vrai que moi, j'avais donné mon avis, donc soit je vais pas le redire. Mais voilà, effectivement, quand on voit un peu tout ce panel-là, on se rend compte qu'il n'y a pas eu quand même de grands succès. Alors, on a passé rapidement. Donc, au Japon, ils vont faire plein d'adaptations. Il y aura aussi dans des films d'animation. Parce que, par exemple, tout ce qui va être les Pokémon aussi, en film d'animation. On n'a pas parlé. Ouais, Si quelqu'un. il y a les Final Ouais, il y a Fantasy. Final Fantasy, le premier en 2001, qui avait été quand même assez révolutionnaire, hein, dans la manière de réaliser un film d'animation. Oui. Donc si quelqu'un va en parler. Oui, il avait fait parler lui pour ça, oui. Et pas pour son scénario qui tient sur deux lignes. Enfin, franchement, c'était pas un super film. Mais oui, je crois que c'était l'un des premiers où il y avait des personnages qui étaient intégralement en numérique. Exactement, ouais. Je crois que c'est pour ça, ouais, Oui, c'était. à l'époque, Oui, il me semble que c'était le premier. c'est une révolution dans la manière de le faire. Et donc voilà, et donc il y en a eu plein d'autres. Moi, je ne les ai pas vus, parce qu'il y en a eu récemment aussi. Il y en a eu Oui, et bah, récemment, là, pour la sortie du 15. de FF15, ouais, il me semble justement qu'il y en a eu un qui, graphiquement, là, celui qui est sorti, Kingsglaive. Oula, oh, quel accent! Kingsglaive, c'est ça? Kingsglaive, ouais. Ça doit être ça, le. Ouais, voilà, c'est ça. C'était le Avec. dernier qui est sorti. Voilà, c'est le dernier qui est sorti. Ouais. Et il me semble que c'est graphiquement, c'est très chouette, en tout Ouais, cas. c'est Après. il est incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est une claque visuelle, vraiment le dernier est incroyable. Mais d'ailleurs, ils avaient Voilà, pris un gros donc casting aussi au niveau des doublages, puisqu'il y a du Sean Bean, Lena Headey. Oui, Donc en fait, ils ont il pris du y a Aaron Paul Aaron Paul, dedans, ouais. il me semble. Donc ils ont pris de. C'est ça. Donc on a aussi des. On a oublié, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu par exemple aussi un super Angry Birds, le film. Ratchet & Clank aussi. Donc c'est pareil, hein. Ratchet & Clank par exemple, c'était Sony aussi, hein, qui. Donc Sony, forcément, ils Oui. font cinéma, ils font jeux vidéo. Et il me semble que c'était pas mal aussi, hein. Je crois pas que c'était dégueu, hein, Mais je Ratchet l'ai and pas vu, Clank. Il me je semble que sais c'était qu'en bien. fait c'était des youtubeurs, c'est pas des youtubeurs qui doublaient en français. Ah si, si, si, avec C'est Squeezie et compagnie, possible. Ouais, ouais. donc j'avoue que ça m'a pas donné Exact. envie d'aller le voir, mais de toute façon j'avais pas spécialement envie. Bah ouais, rien que ça donne Mais pas chacun envie. ses goûts après tout, et si vous aimez Non, Squeezie, ouais. vous avez le droit d'aimer Squeezie. Mais bon voilà. Mais Ah donc oui. et donc il y a d'autres projets donc qui sont en cours, mais ça on en parlera plus tard. Hein. Pour conclure, donc. En fait, déjà, on en a parlé rapidement, mais pourquoi en fait on adapte les jeux vidéo? Ben, en fait, à votre avis, moi j'ai l'impression quand on fait tout ce panel-là que c'est quand même une question vraiment assez cynique de. Même si maintenant on essaye de changer, de faire un truc plus artistique, ben, il y a quand même ce côté. Il y a déjà une fanbase qui est existante, donc grosso modo, faisons du pognon dessus, quoi. Moi, je pense que 80% du temps, c'est le cas, quoi. C'est vraiment exploiter la licence pour encore plus, toujours plus, toujours plus de fric. Après, tu peux avoir, on va dire, des exceptions. Donc, Warcraft, ils n'en avaient pas besoin, Blizzard, on est d'accord. Je veux dire, ils ont tout l'univers au niveau du jeu vidéo. Je vois pourquoi ils auraient eu besoin, en fait, de réaliser un film en plus. Donc, Eh et surtout que Blizzard, c'est pas du tout du genre à sortir des jeux à l'appel. Ils sortent, oui. ils font des bons jeux, ils prennent le temps avant de les sortir. Donc effectivement, il n'y a pas du tout un besoin de pognon derrière. Non, non, non. Mais est-ce que c'est pas pour suivre une mouvance? Puis c'est vrai que c'est quand même. Moi, je dirais, on parlait tout à l'heure du lien entre un bon film et bonne adaptation. Et je dirais qu'en tant que cinéphile, les personnes qui aiment le cinéma, tout simplement, on serait en droit d'attendre parfois des adaptations ratées, mais des meilleurs films. Mais bien souvent, c'est pas ce qui se passe. Je préférais une adaptation ratée à un bon film. Et souvent, on n'a pas de réelles traces. On a le cas, par exemple, tout à l'heure, où Johanna parlait de Warcraft, qu'elle a trouvé sympathique, du moins, au cinéma. Mais elle semble plus familière que toi, Macrémic, en fait, avec la licence. Et on a l'impression que quand on n'est pas familier avec une licence, ça nous laisse pas de traces, quoi. Pas du tout. Et même quand on est familier, comme moi, avec Assassin's Creed, bah, je l'ai déjà oublié, le film. Et je veux pas m'en souvenir, parce que c'est totalement périssable comme souvenir cinématographique. C'est pas bon, quoi. Je Alors, suis d'accord de dire ça. je comprends ton point de vue, par contre, pour revenir sur Warcraft, tu vois, moi quand j'ai vu Warcraft, en fait, j'avais jamais touché à ça. Ah, d'accord. J'ai jamais touché à ça, c'est juste que je suis fan de tout ce qui est univers fantastique avec les orques, etc. Et j'avais aimé ce côté, bah, Ah oui, d'accord, ok. c'est la Légion qui se bat, etc. Par contre, quand je l'ai revu une deuxième fois, quelques années plus tard, il est vrai que j'ai été influencée par quelqu'un qui est fan de tout cet univers autour de Warcraft. Et effectivement, j'avais encore plus kiffé. Donc, je te suis sur ton point de vue dans le sens où lorsqu'on est pas assez familier avec un sujet, on va peut-être pas aimer. Mais Voilà. ju justement, puisqu'on parle des adaptations entre bons films et bonnes adaptations, justement, à votre avis, ça échoue souvent. Déjà, pourquoi? Mais alors surtout, qu'est-ce qui ferait une bonne ad adaptation? Quels sont les ingrédients qu'il faudrait? Déjà, est-ce que tous les jeux, en fait, est-ce que ça se prête vraiment à une adaptation? Clairement pas. Clairement pas. Il suffit de voir les premiers qui sont Mario et Street Fighter. Non, Bah parce qu'en oui. fait, il n'y a pas de matière à faire un script élaboré. Il n'y a pas de matière à avoir une bonne ambiance, une bonne atmosphère, quoi. Donc, c'est juste prendre les matériaux du jeu et les foutre en vrac dans un film. Donc, effectivement, donc c'est pas des bonnes adaptations. Ouais. Pour moi, c'est Super Mario, par exemple, c'est vraiment l'exemple à ne pas suivre. Et à l'opposé, ben, on mettrait donc Silent Hill, on en a parlé tout à l'heure. Parce que là, justement, tu as de quoi faire un bon film avec une bonne Ouais. ambiance C'est clair. et qui te fait ressentir des trucs. C'est clair, c'est un sacré terreau. Bah, de toute façon, tout le genre survival horror, par exemple, même quand on voit dans des univers un peu connexes, du BioShock ou du Prey, par exemple, dernièrement, il y a un petit moment, on peut imaginer des choses. Après, moi, par exemple, je joue en ce moment justement à Prey, le reboot là, qui est sorti L'an 2016-2010. dernier, ouais. Voilà. Bah, Non, en 2016, oui. ouais, 2016, mais ça devait être fin par là. Enfin bon, Ouais. peu importe, mais quand on joue à ce jeu, on se dit, il y a un univers à exploiter, un univers qui est assez fascinant, mais finalement, je redouterais qu'il l'exploite, en fait. Est-ce que c'est pas mieux, des fois, de laisser le jeu vidéo où il est, quoi? Parce que, quelque part, c'est aussi cette manière de dérouler l'histoire, parce que dans un jeu vidéo, la narration est totalement différente dans un film. C'est des heures et des heures. Et c'est là où, moi, personnellement, je pense que le jeu vidéo pourrait mieux s'adapter en série télé. Parce que justement, on aurait le temps de développer les personnages un à un, on aurait le temps Ouais. de tisser quelque chose de plus, avec un background plus profond, quoi, d'aller plus loin. Ouais. Donc Ça tombe c'est bien ça ma vision. que. Mais je suis d'accord. D'ailleurs, tu sais, c'était un point que je voulais citer en ouverture de fin de podcast. Donc c'est bien, tu me l'as Ouais. sorti avant. Mais Ouais. c'est pas grave. Mais oui, effectivement. Mais déjà, il y a un truc qui. Déjà, donc il y a le côté prendre déjà. Déjà, adapter quand même assez fidèlement. C'est-à-dire ne pas partir dans tous les sens. Genre, on prend juste le nom. Bon, comme on l'a vu si souvent. Comme disait Macrémic, après, c'est prendre déjà comme vous disiez tous, des jeux qui ont déjà assez de consistance pour être adaptés. Après, il y a toujours la même chose aussi pour retraduire à l'écran. Donc, il y a déjà ce côté de narration et d'avoir le temps de le développer dans un film. Ben, comme disait Johanna, des fois, et comme vous disiez tous, le problème, c'est qu'il faut à la fois le faire pour les fans, mais il faut aussi faire venir un public plus large. Donc, des fois, est-ce qu'ils vont forcément enlever la substance même du jeu pour essayer de l'ouvrir à un plus grand nombre? Mais il y a encore. On a le cas avec Assassin's Creed. C'est qui était le cas avec Assassin's Creed, où ils ont fait un peu. Même s'ils ont. Je trouve qu'ils ont. Ils ont voulu des fois un peu trop. Trop rendre le script intelligent, alors qu'en fait il était foutraque. En voulant mettre 36 000 choses, en fait. Et pour un film qui dure même pas 2 heures. Donc c'était un peu le bazar. Mais il y a surtout un truc quand même différent. Ouais. C'est que, effectivement, maintenant, de plus en plus. On va en parler même après. Hein, la manière dont le jeu vidéo au cinéma est lié. Mais il y a un truc quand même qui est très différent. C'est que le joueur, il est actif. Alors que le spectateur est. Par définition, passif. En tout cas, il n'a pas ce côté de gameplay. Donc, est-ce que ça, déjà, à votre avis, on peut le retraduire vraiment? En fait, on peut. Parce que souvent, les joueurs qui vont aller voir un film, ils veulent retrouver une sensation. Mais est-ce qu'on peut retrouver vraiment cette sensation-là? Oui, Ready Player One. Ouais, mais ça, enfin, même mais si ça, c'est pas... ça. Quelque part, mais il y a un peu cette sensation. Tu restes passif quand même. Quand tu regardes Ready Player One, tu restes passif. On est passif, mais je trouve, par exemple, notamment, sans trop spoiler, la scène au début de la course-poursuite, sincèrement, il y a des sensations. On est passif, mais on pourrait des fois avoir l'illusion qu'on est dedans, quoi, parce que c'est tellement immersif. Je veux dire, dans des films comme ça qui sont typés hollywoodiens, quoi, où on veut vraiment t'en mettre plein la vue, bah, celui-ci il réussit quand même. Ouais, c'est fort. Mais, cette scène-là. Mais, la mais scène là, tu parles d'un film qui n'est pas un jeu adapté d'un jeu vidéo, justement. Ouais. Non, ben non, ouais. Mais c'est que j'ai pas d'exemple. Ben, non, mais c'est pour ça. C'est non, mais c'est qui est un peu dommage, justement. C'est ce qu'on se rend compte. Ouais. Ouais. Moi, j'ai un exemple où justement, en fait, ils ont voulu créer ce mode, on va dire, jeu vidéo de LD, un peu comme à la Jumanji. C'était pour Hardcore Henry. Je sais pas si vous Hardcore vous Henry. De ça. C'était vraiment le FPS au cinéma. Du coup, t'étais en first person et t'avais vraiment, en fait, cette impression d'immersion, d'être à la place d'un joueur. Bon, tu restes passif. Oui, tu restes passif, mais bon. Mais t'es quand même en first person, t'as vraiment l'impression de faire à la place. Et ouais, parce que le film était fait. Alors, c'est pareil, c'est pas adapté d'un jeu vidéo, et c'est tout était fait en vue FPS. Et d'ailleurs, ça me permet de parler du seul jeu. Le film, il n'est pas terrible, hein, pas bon du tout. Je voulais mais en parler. Mais le seul film qui a fait ça, c'était Doom, qui avait fait un plan séquence en FPS. Dans un film, donc Doom, c'est un film de 2005 avec The Rock encore, de Andrzej Bartoszak, il a un nom comme ça. Et il y avait un casting pas dégueulasse parce qu'il y avait The Rock, il y avait Karl Urban et il y avait Rosamund Pike. Et la musique était de Clint Mansell, donc c'était pas. Non, mais bon, le film en lui-même, bah après, c'est pareil, Doom, il n'y avait pas grand-chose. Et c'était assez fidèle, c'était pas bon, mais fidèle parce que ça se passait sur Mars et tout ça. Et ils avaient fait une séquence de 5-6 minutes, ou même pas 3 minutes. En FPS, justement, un plan séquence, mais bon, voilà, c'était un peu un des rares trucs. Autre chose aussi, quand on regarde bien, je sais pas si vous avez fait gaffe, c'est que pour faire de l'argent, donc ben voilà, ils se vendent ces films-là, en tout cas au cinéma, ils font pas toujours des gros scores, mais après en DVD, en Blu-ray. Par contre, on se rend compte que les budgets qui sont alloués sont souvent assez petits. Alors les producteurs, en fait, ils investissent pas tant que ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire un film d'action, par exemple, j'en avais parlé pour le Tomb Raider récemment, les gens, en fait, le comparent. En fait, quand ils le jugent, ils veulent le comparer à un film d'action comme les Marvel. Sauf que les Marvel, c'est minimum 200 millions, 250, voire 300. Et le Tomb Raider, c'est même pas 90 millions. Le Tomb Raider qui est sorti en 2018 a moins de budget que le premier Tomb Raider avec Angelina Jolie. Donc il faut se rendre compte, en fait. 90 millions de dollars. Pour moi, il y a un truc aussi qui justifie ces budgets, c'est déjà le public visé. Le premier film, Super Mario, bon, tout le monde connaît Mario, donc on peut faire un film qui, justement, ne colle pas à l'univers, de toute façon, parce qu'on ne pouvait pas le faire, et on fait un film un petit peu what the fuck, mais qui va ratisser large au niveau du public visé. Alors que, voilà, Doom, les gens ne connaissent pas Doom, donc forcément, c'est des films qui sont faits pour ceux qui connaissent la licence. Donc forcément, à partir du moment où déjà ton public il est réduit à cette petite minorité-là, tu ne vas pas pouvoir filer des gros budgets, c'est impossible, à moins d'avoir un studio qui a des moyens, on va dire. Et donc là, on peut parler de Blizzard qui, eux, n'ont pas fait ce film-là pour du pognon et qui avaient du pognon pour le faire. C'est complètement différent. Donc, c'est aussi pour ça que enfin, il y a des problèmes de budget dans les. Mais après, on en revient à ce côté un peu cynique, à savoir, de toute manière, on va vendre sur le nom, donc aux fans qui iront le voir. Après, tu vois, tu dis Blizzard, t'avais pas besoin de pognon. Et c'est vrai, effectivement, ce film, pourquoi le faire? Mais on peut voir un profil inversé. Parce qu'il y avait une demande. Non, mais il y avait une demande, mais même après, tu vois, si par exemple, sur World of Warcraft, ils ont un peu moins de demande, bon, ça marche tout le temps. Le fait de faire un film, ça permet de relancer des licences aussi. Par exemple, tu vois, les Tomb Raider, quand ils sont sortis, en fait, ça a permis de relancer aussi, après, le second cycle de Lara Croft, tout ça. Et ça te permet, tu vois, de surfer, mais des fois aussi, je pense que les studios, peut-être que de nos jours, par exemple, t'as un projet d'adaptation, là, de The Division, et ben, ça permettra, quand il sortira, de peut-être de re-relancer un The Division, tu vois. Ils l'utilisent comme ça. Il y a quand même un côté, je veux pas dire qu'ils sont tous cyniques, tout ça, mais il y a quand même ce côté-là. Mais en tout cas, c'est bien de voir les créateurs qui s'investissent un peu plus. Et d'ailleurs, il y a un exemple sur ce que tu disais par rapport au budget. C'est par exemple, on a parlé de BioShock. Il devait y avoir un film BioShock, en fait. Et pour le coup, Ken Levine, donc le créateur, directeur artistique et créatif directeur de BioShock, en fait, était sur le projet. Et donc au départ, en fait, c'était une coproduction et tout ça, il y avait 200 millions de budget qui était alloué. Et donc le film devait être un film assez sombre, c'était Gore Verbinski qui devait le réaliser, donc Gore Verbinski qui a fait Les Pirates des Caraïbes, mais après il a fait quand même d'autres bons films aussi, tout ça. C'est un bon réalisateur qui mélange à la fois le côté blockbuster et un peu plus auteuriste. Et donc 200 millions de budget, ça devait être un film qui devait être rated R, donc c'est quasiment du moins de 16, moins de 18 aux États-Unis. Donc c'était d'être vraiment un gros projet, et en fait la production du jour au lendemain lui a dit « Ouais, mais finalement non, on va pas rentrer dans nos frais ». Donc ils lui ont foutu le budget à 80 millions de dollars, donc une coupe de 120 millions. Oh punaise. Et alors qu'ils avaient déjà un script, hein, un truc qui devait se passer donc, dans une ville sous-marine, enfin BioShock vraiment adapté, et c'est Ken Levine qui était au scénario et tout, hein, au script. Et donc quand ils ont vu ça, ben, Verbinski s'est barré, c'est Frenadillo qui devait le remplacer, qui est un bon réalisateur, hein, un espagnol qui avait fait 28 semaines plus tard. Sauf que voilà, on lui a dit, non mais on coupe le budget, et puis le film il sera en fait juste Peggy 13, donc ça sera un truc tout sympa, tout mignon. Et ben là en fait, Ken Levine il avait négocié des droits de veto, il a dit ben le projet se fera pas. Et donc on n'aura jamais de film parce que lui il peut faire un veto, il avait négocié. Ce qui est pas plus mal, moi j'aurais pleuré de voir un film raté. Ah oui, c'est mais ils étaient décision, partis à l'origine pour faire un gros truc. Donc, mais ça c'est vraiment un contre-exemple, sinon la plupart du temps les créateurs, même si maintenant on les voit investis, hein, de plus en plus, je crois que Naughty Dog aussi, ils ont un droit de regard sur ce qui se passe. Au moins sur The Last of Us, ça c'est sûr, Druckmann en a parlé. Uncharted, apparemment, ça a été vendu les droits avant qu'ils aient un droit de regard, donc c'est pour ça que Sony fait un peu. Enfin, on verra ce qu'ils feront si le film se fait. Mais en tout cas, justement, ça permet justement de voir ce côté lié entre donc, le côté production, jeu vidéo, cinéma, et lié comme ça. Il y a aussi toutes les influences, en fait. Donc, à votre avis, c'est toujours l'histoire de l'œuf ou la poule. Le cinéma est lié à. Est-ce que c'est le cinéma, en fait, a adapté des codes du jeu vidéo? Est-ce que le jeu vidéo a adapté des codes du cinéma? À votre avis, ça se passe comment, quoi? Alors, l'inverse. Vas-y, je t'en prie. Oui, merci. Ouais. J'ai juste une question qui pop comme ça, un peu hors prompteur, quoi, qui est. Même si on n'a pas vraiment de prompteur, mais qui me vient, mais que j'aimerais vous poser, c'est quand on parle de Last of Us, de Uncharted, est-ce que réellement, vous, en tant que joueur de ces licences, si vous y jouez, joueur et joueuse, est-ce que vous avez envie d'avoir un film, justement, Last of Us? Est-ce que vous n'avez pas envie que ça reste du jeu vidéo? Non, parce que moi, des films comme ça. Si je peux me permettre, je préfère que ça reste. Que ça reste dans la bulle jeu vidéo, et il y en a qui auraient dû rester comme ça, parce que à partir du moment où on a des jeux qui sont bien faits et qu'il y a beaucoup de narration derrière, pourquoi gratter encore plus loin? Je comprends pas. Quand t'as beaucoup de narration comme ça, je comprends pas pourquoi faut gratter encore plus loin. Ça sert à rien, on a déjà trop de contenu qui est agréable. Et... Ouais. Je trouve que c'est inutile. Je suis également d'accord. Ensuite, ça dépend. Parce que faire une adaptation où on reprend exactement les mêmes personnages, on reprend exactement la trame scénaristique d'un jeu spécifique, effectivement, ça sert à rien du tout. Par contre, si on prend l'univers d'un jeu et qu'on l'étend et qu'on en fait autre chose avec, par exemple, des nouveaux personnages, là, par contre, c'est intéressant. Parce que du coup, ça peut s'imbriquer avec d'autres jeux ou avec des bouquins. Faire une adaptation de quelque chose, d'un média sur un autre, enfin, c'est pas forcément une copie carbone. Les médias, ils ont le droit d'être complémentaires et pour donner des naissances à des univers vraiment plus travaillés. Ben oui, mais alors après, c'est toujours pareil, tu vois, t'as ça, mais est-ce qu'on se pose la question qu'il y a les adaptations de comics, tu vois, avec les Marvel, parce que c'est le gros truc et tout ça, ou même les adaptations de livres, En fait, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas, je sais pas s'il y a de... Le problème, c'est qu'il y a des jeux, là on parle de Uncharted ou The Last of Us, qui sont déjà, qui sont déjà très cinématographiques dans la mise en scène. Donc effectivement, est-ce qu'on a besoin de revivre ça? Mais ça sera toujours pareil. Nous, on se place en tant que gamer, mais on se place en tant que cinéphile ou en tant que, ouais, que cinéphile. Ben, les gens, de toute manière, ils connaissent peut-être pas Uncharted ou The Last of Us, et peut-être que découvrir ces personnages et cette histoire par un autre biais sont intéressants pour eux. Nous, on a notre regard qui est de gamer, mais il faut penser, en fait, on va dire, au plus grand nombre en théorie. Et donc, moi, ça me pose pas un problème. Le problème, c'est que effectivement, le gamer, lui, risque d'être déçu parce que tu as ton propre rapport à l'histoire, au personnage, la façon dont tu t'es investi. Ouais, c'est ça. Et effectivement, ça pose un problème. Ouais, les souvenirs aussi, parce que comme tu disais, quand on joue, bah, on est actif, hein, on a cette composante ludique. Et quand on est assis sur notre siège au cinéma, bon, voilà, c'est une expérience différente. Des fois, on n'a pas envie d'avoir cette expérience, quoi. Moi, je sais que sur un jeu comme Last of Us, ça m'embête sincèrement, quoi, qu'il fasse quelque chose. Moi, j'aurais vraiment préféré que, voilà, que non, bah, c'est pas de film. Par exemple, on va prendre un cas extrême. Est-ce que vous verrez une adaptation cinématographique de Life is Strange, sachant que c'est déjà... Et ouais, ah, non. Il faut plus haut point, c'est pas possible. C'est pas possible. En tant que gamer, on se sent floué, quoi. Je sais que bon, si on voit grand public, comme tu le dis, Donny Jeep, parce qu'à un moment, il faut voir grand public. Hein. C'est vrai que ça sort au cinéma, c'est tout le monde que ça peut toucher potentiellement. Donc bon, peut-être que pour eux, ça peut être intéressant, parce que derrière, il y a des personnages avec une écriture intéressante à la base dans l'univers vidéoludique. Mais bon, encore faut-il que ça soit bien fait. Mais nous, en tant que gamer, on n'a même pas envie, en fait. Même si ça peut être bien fait ou à peu près bien fait, j'ai pas envie ou pas envie. Après, j'aurais peur, mais ça me dérangerait pas de toute manière de voir comment, parce que toujours de voir comment sera adapté de Life is Strange, qu'il adapte en mini-série, ça me dérangerait pas de voir comment ça pourrait être adapté. Uncharted, j'avoue que, en tout cas, quand je vois ce que fait Sony, où en fait ils ont commencé à caster, donc Tom Holland qui fait Spider-Man. Je me suis dit, bon, voilà, c'est pas vraiment le film. Moi, je veux en fait un vrai film action-aventure. On en a très peu. En tout cas, aventure un peu type Indiana Jones. The Last of Us, c'est pareil. Indiana Jones 5, mais Jack, le 4 n'a pas existé. Donc, le 5, je pense que pour moi, il n'existera pas non plus. Mais non, The Last of Us, mais c'est pareil. Après, on va revenir justement sur le point qu'après, on a un peu dérivé. Mais, quand c'est lié en fait au cinéma. Si on prend The Last of Us, en fait, The Last of Us, il reprend beaucoup de façon, il est déjà cinématographique dans son approche. Les Uncharted, c'est pareil, mais arrêtons-nous sur The Last of Us. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de La Route, qui est un bouquin qui est adapté à un film. Pour le coup, moi, je trouve qu'il se rapproche beaucoup plus des Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón. J'ai vu le film, ouais. Ça m'avait percuté à l'époque. C'est un peu le même style, en plus, avec une espèce de terroriste qui essaye et tout ça. Voilà, il y a déjà, donc tout est lié, donc effectivement... Est-ce que en fait ça marcherait au cinéma? Oui, mais est-ce que les gens en fait diraient bon, mais en même temps, c'est l'histoire de The Last of Us en elle-même. Je parle pas des personnages parce que moi ce qui m'intéresse plus c'est les personnages, mais l'histoire en elle-même c'est une histoire classique qu'on voit dans plein de films au cinéma en fait. Elle est pas révolutionnaire. C'est la mise en scène et la façon dont elle est intégrée dans un jeu vidéo et la façon dont nous on va s'attacher aux personnages tout au long de ce côté-là qui fait que en fait le jeu est extraordinaire mais adapté. Oui, mais justement tu l'as dit, il y a aussi le fait qu'on joue quoi, tu vois, qui rend ça. Et là quand ben, c'est l'investissement, c'est toujours pareil. Alors qu'un Uncharted, bon, moi je suis vachement investi dans les personnages, mais tu peux faire un film vraiment d'aventure qui soit sympa. Bon, moi dans tous les cas, je pense que je serais déçu puisque j'aime tellement la saga, mais bon, après c'est toujours pareil, c'est que moi. Hein. Mais donc justement, pour repartir sur un peu le côté ciné avec jeux vidéo, oui, non, désolé. Mais c'est bien, parce qu'on est là pour. De toute façon, tout est tellement connecté, interconnecté, c'est lié, oui, c'est que ça. Dans le jeu vidéo déjà. Alors, les choses qu'on va retrouver du cinéma qu'ils ont pris, par exemple, c'est un truc tout bête, mais c'est les cinématiques. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, les premières cinématiques dans les jeux, bah, c'est un truc cinématographique, ça. En fait, il y avait ça, et puis après, ils ont fait plein d'autres choses. Dans la mise en scène, par exemple, je sais pas si vous vous en souvenez pour ce qu'ils ont fait, mais Medal of Honor, par exemple, Medal of Honor, c'était un peu le soldat Ryan, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est produit par DreamWorks, hein, Medal of Honor. C'est Spielberg qui est derrière ça. Donc il y a toutes ces techniques là et c'est vrai que on va retrouver quand même pas mal de choses. Ah bah c'est intimement lié tout ça, ouais. D'ailleurs j'ai une phrase là, je peux la citer, bah c'est pas de moi, c'est un article de Première, donc Première étant une revue ciné et aussi un site. Et là c'est sur le site et il parlait d'Assassin's Creed et justement c'est directement lié à ce qu'on dit. Il commence l'article en disant le problème de l'adaptation d'un jeu vidéo à l'écran de nos jours n'est plus de reproduire l'expérience ludique. mais bien de se confronter à ce que le jeu vidéo fait extrêmement bien, parfois, du cinéma. Et quelque part, c'est un peu ça. Le jeu vidéo fait très bien du cinéma. Exactement. Ouais, c'est vrai. Enfin, une partie du jeu vidéo, en fait, parce qu'il y a cette partie-là de jeu vidéo qui est très narrative et très cinématographique. Après, il y a tout un pan où, justement, c'est tout l'inverse et tout ça. Donc, voilà, je préfère préciser pour nos auditeurs et tout ça, et auditrices, que... effectivement, que... voilà, on parle de ce pan-là du jeu vidéo. Hein, pas tous les jeux vidéo sont comme ça, heureusement. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Je voulais rebondir sur un truc là, sur l'aspect cinématographique des jeux. C'est pas aussi récent que ça, parce qu'effectivement, on parlait de The Last of Us et de Uncharted, où bon, il y a un côté vraiment très cinéma là-dedans. Mais à l'époque, le cinéma était vraiment intégré au jeu parce que c'était des vrais acteurs qui jouaient dedans avec les jeux qui étaient en full motion vidéo. Donc, par exemple, il y avait toute la série des Phantasmagoria. Donc, c'était un jeu, mais c'était un film interactif. Ensuite, il y a d'autres jeux. Donc, on en avait parlé quand on parlait de Star Wars, donc dans Jedi Knight. Pour les cinématiques, ouais. Où, pareil, les cinématiques, c'était des acteurs. Alors, ce genre de truc s'est perdu, bon, parce que la technologie maintenant fait qu'on fait de la 3D temps réel tout le temps. Aucun intérêt, aucune plus-value de mettre des vrais acteurs. Mais voilà, à l'époque, c'était déjà très cinématographique. Mais ils ont repris des trucs. T'as aussi toute une pente de jeux vidéo qui recherche aussi l'aspect photoréaliste aussi. C'est un côté aussi de vouloir correspondre à la réalité et donc aussi de rendre un cachet cinématographique avec ce truc-là. Et même autre chose dans le cinéma. C'est par exemple tout ce qui va être maintenant de plus en plus, on voit des acteurs et des actrices qui font du doublage en fait et du mocap. Donc ça vient de plus en plus. Et niveau jeu vidéo en termes de photoréalisme, jusqu'à. Mais nos auteurs l'auront pas. Dommage, jusqu'à mardi, il y a un bundle sur Humble Bundle dédié à l'Unreal Engine. Et là, j'ai touché un jeu qui s'appelle The Land of Pain, un jeu, je crois que c'est un gars tout seul qui l'a fait. Il me semble que c'est un jeu horreur un peu. Et effectivement, il y a du photoréalisme dedans. Hein. Il y a vraiment... Les moteurs d'aujourd'hui permettent des moments de photoréalisme. Je trouve pas que le jeu... J'ai du mal. Bon, il y a des jeux, c'est vrai qu'on prend Uncharted 4 et tout, sous certains aspects, c'est vraiment photoréaliste. Mais là, le jeu dont je parle, c'est un jeu à échelle humaine, quoi. Vraiment, c'est une personne ou deux qui l'ont fait, quoi. C'est un truc très indépendant. Et même tout seul derrière son écran, le type, il a réussi à créer des moments de photoréalisme, quoi. C'est pas tout le jeu, mais il y a des moments où... Et c'est nous, après joueurs, qui créons justement ces moments de cinéma, en tournant la caméra, en se mouvant d'une certaine manière. Ben, oui, t'as deux metteurs en scène en fait dans le jeu. T'as le jeu parce que t'as quand même un cadre, mais toi aussi quand t'es actif sur la caméra. Mais autre chose aussi d'ailleurs justement parce qu'on parle de jeux alors, qui veulent vraiment partir vers le cinéma, on est obligé de citer un créateur de jeux vidéo qui fait souvent il y a dissension quand on parle de lui. C'est notre ami David Cage, parce que lui il revendique ce côté-là. Et c'est vrai que souvent on dit c'est pas un jeu, c'est du cinéma interactif. Bon, voilà, les termes, c'est pas un jeu. Je déteste les gens qui disent de toute manière c'est pas. Dites les choses qui sont et dites pas les choses qui sont c'est pas. C'est pas un jeu, ça veut rien dire, du moins qu'il y ait une interactivité. Alors après, je sais qu'ils diront oui, ceci, cela, mais non, bon, après. Mais en tout cas, on peut ne pas aimer ces jeux parce qu'ils ont des défauts. Mais effectivement, lui, il le dit à chaque fois, il tend vers ça. Pour le coup, il y a vraiment une. C'est totalement assumé, cette recherche cinématographique. On l'a vu avec Heavy Rain en 2010. Ouais. Et ensuite Beyond Two Souls par exemple, où pour le coup il va même prendre des acteurs qu'il va modéliser vraiment aussi là, donc Ellen Page, on a aussi, comment il s'appelle, Willem Dafoe en 2013, et là dans une interview récente il parlait pour Detroit, son prochain jeu, que justement ils ont, pour le niveau des plans de caméra, ils ont intégré tout un système de focale qui est directement issu du ciné, donc on voit que là il y a vraiment une recherche, alors c'est pas pour dire que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est juste pour vous dire vraiment à quel point le jeu vidéo fait ça. Donc là, on parle en fait de l'influence du cinéma sur le jeu vidéo, mais on peut parler aussi que depuis bien longtemps, quand même, il y a aussi quand même le côté jeu vidéo qui a influencé le cinéma, en fait. Par exemple, avec Tron, s'il y en a qui veulent nous parler de ce fameux film des années 80, 1982. Mm-hmm. Ouais, avec, j'ai oublié l'acteur, Jeff Bridges. Jeff Bridges, donc c'est le mec de Big Lebowski. Ouais, c'était un super film assez avant-gardiste. Où en fait, à l'époque, plus que du jeu vidéo, c'était vraiment l'univers un petit peu scientifique aussi, électronique, qui était mis en avant là-dessus, vu que le mec, en fait, il était, donc suite à une expérience un peu ratée, il se retrouve dans le jeu qu'il avait programmé, donc avec une sorte de canon laser, en fait, qui le capture et qui numérise, enfin qui fait disparaître du monde réel, et maintenant il devient une donnée numérique dans son jeu. À l'époque, quand ça sort, donc c'est vraiment de la science-fiction encore. Et ouais. faut quand même s'accrocher. Je pense qu'il y a des tas de gens qui regardaient ça aujourd'hui. Voilà, parce que justement, l'univers qu'il crée dans sa machine est très particulier. Ouais, mais c'est directement adapté, enfin c'est directement tiré de l'univers vidéoludique. D'ailleurs, c'est le premier film qui utilise les retouches par ordinateur. C'est la première fois l'histoire du cinéma quand on utilise les retouches par ordinateur. Alors, on a aussi The Last Starfighter qui est pas très connu par chez nous, qui est aussi un jeu qui, bah, c'est le nom d'un jeu d'arcade, Starfighter, donc c'est un film de 1984. Et si j'en parle, c'est parce que justement, avec le succès de Ready Player One, ils parlent maintenant de faire un remake ou un sequel à ce film, The Last Starfighter. Donc, parce que voilà, ça marche bien. Et on parlait tout à l'heure de tout ce qui est des acteurs en mocap. D'ailleurs, c'est pareil, le mocap, c'est un truc qu'on a trouvé dans les jeux vidéo et qu'on va trouver après, bah, avec Gollum par exemple dans Le Seigneur des Anneaux. Mais sachant que bah, tous les jeux de sport, comme les FIFA dans les années 90, ils utilisaient déjà le mocap pour les mouvements des personnages, en fait, avant de faire tous ces trucs-là. Donc le jeu vidéo était quand même là-dedans. On a eu vraiment plein de trucs là. Plus récemment, est-ce qu'il y a des films que vous avez cités, en fait, qui, pour vous, sont vraiment marqués par l'univers vidéoludique? Moi, j'ai une série, alors je sais pas si je peux la citer, très récente. Moins un an, on va dire, qui est vraiment connecté aux jeux vidéo. Mais bon, est-ce qu'on en parle aussi, bah, hein, on peut plaisir. Faire une petite aparté, série. Allez, bah, allez, merci. Stranger Things. C'est non, c'est Future Man. Ah, oui. complètement dingue cette série, mais bon, c'est assumé, hein, c'est super marrant. C'est un gars pour pitcher un peu rapidement. C'est un gars qui joue, qui est très gros joueur de jeux vidéo, mais vraiment le cliché du nerd, mais absolu, quoi. Le mec, il est tout le temps dans sa chambre, il a aucune vie sociale, il joue en caleçon sur le même jeu depuis 10 ans, j'exagère, mais depuis des mois pour performer, avoir le meilleur score. Et en l'occurrence, c'est un jeu que personne n'a fini, sur lequel il joue, un jeu sur PC, un FPS, et il arrive au moment où il le finit, le jeu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, au moment où il le finit, en fait, il y a les personnages du jeu qui apparaissent au milieu de sa chambre, quoi, en gros, et il se retrouve avec, voilà, il y a une connexion entre le jeu qui était qu'un jeu, ben, le jeu devient réalité, en fait. Et après, il est projeté dans le futur, en 2000, je ne sais combien, pour justement changer, pour éviter que le monde soit détruit et tout. Donc, il y a toute une histoire comme ça. C'est très classique, finalement. C'est du déjà vu, mais. Par contre, c'est super drôle, c'est vraiment sympa, quoi. C'est une série que je conseille et fortement du coup connectée aux jeux vidéo, dès le début, quoi. Donc ouais, donc là c'est une série qui prend vraiment un mec qui se basait sur le jeu vidéo, tout ça. Et en plus, là où je voulais en venir, voilà, c'est que ça prend des codes, c'est-à-dire que il se retrouve dans l'univers du jeu vidéo et les gars qui ils se battent, il y a du combat et tout avec justement les personnages du jeu vidéo qui deviennent ses potes, entre guillemets, ses partenaires. Et à chaque fois qu'il y en a un que voilà, il met une tarte à quelqu'un, l'autre il dit headshot, comme ça. Il y a toujours plein de sons et tout. Ça reprend des termes spécifiques du jeu vidéo, quoi. C'est vraiment marrant. Il y a plein de gimmicks, comme ils avaient fait en fait avec un film justement avec le Scott Pilgrim où c'était plus sur les jeux de combat, mais c'était un peu le même genre de truc qu'ils avaient fait avec des effets et au cinéma, en fait. Mm-hmm. D'accord. Mais là, c'est bien intégré, c'est malin, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bienvenu. Ok. Quelqu'un d'autre, un film qui veut placer là-dessus? Pour répondre à ta question, moi, je vais vraiment aller un petit peu plus loin. Je vais vraiment parler des mécaniques du jeu vidéo qu'on retrouve au sein des films. Parce que ça se fait de plus en plus. Bon, après, c'est peut-être mon côté de développeuse qui revient un petit peu à l'assaut. Mais moi, le level design, je le vois un peu partout. Et surtout, concrètement... À l'heure actuelle, en gros, je vais vous donner un exemple tout simple. Par exemple, dans Harry Potter, c'est tout con, mais au moins, ça reste pour un public qui est assez large. Dans Harry Potter, en fait, le protagoniste, il a plusieurs étapes à franchir. Et en fonction de ces étapes, en fait, il va gagner plusieurs choses. À chaque étape, du coup, il level up, etc., etc., pour atteindre le boss final. Et en gros, il y a cette sorte de level design, on le retrouve n'importe où. Tu reprends le labyrinthe, c'est pareil. Le mec, il apprend comment, on va dire, utiliser ses outils pour s'en sortir, etc. Et il passe d'une étape à une autre. Et ça, pour moi, c'est réellement du level design pur et dur. Voilà. Et du coup, en fait, les mécaniques du jeu vidéo, ça se ressent dans plusieurs films comme ça. Et notamment dans des films de science-fiction, des films d'aventure. Et à l'heure actuelle, on a vu ça, on en parlait tout à l'heure avec le dernier Jumanji. Totalement, là, vraiment, ouais. t'avais plusieurs niveaux différents pour atteindre, on va dire, la mission finale pour sortir du jeu, quoi. Donc, voilà. C'est intéressant, en tout cas, ouais, surtout d'avoir le regard de quelqu'un qui travaille dans le vidéo. Enfin, c'est marrant de voir que ça t'interpelle de retrouver des mécaniques. Moi, tout le temps. Ah ouais, moi, tout le temps. Je le fais tout le temps. Ouais. Parce que nous, enfin, moi en tant que joueur et pas derrière les mains dans le cambouis, on va dire, j'ai pas forcément la même perception, quoi. Enfin, ouais. Disons que je les vois pas, j'y fais moins attention à ces choses-là. C'est vrai que bon, là j'ai remarqué dans la série quand l'autre il fait headshot, machin comme ça, forcément on remarque. Ouais, mais c'est vraiment en fait, t'as soit le level design qui est implicite, ouais, soit le vocabulaire. Le level design qui est explicite, donc avec. Avec des feedbacks sonores ou ouais autre. Voilà, exactement, ouais, des effets sonores, mais ouais mais c'est tout propres. À fait ça, mais oui. En plus Jumanji, pour moi t'as bien raison de le dire, parce que justement c'est ce qu'on disait en fait, finalement les meilleurs films sur le jeu vidéo ou qui intègrent les codes du jeu vidéo sont pas forcément les adaptations qui elles vont tenter d'être beaucoup plus décodées cinématographiquement parlant, mais ça va être des films qui vont justement faire l'inverse. Et le Jumanji, le dernier, donc, qui est sorti l'année dernière, là, Bienvenue dans la jungle, en fait, effectivement, il reprend tous ces codes-là de manière très intelligente. Moi, j'étais très agréablement surpris par ce film-là. Et parce que voilà, t'as du coup avec les différents personnages, hein, c'est un jeu coop, on va dire, en monde plus ou moins ouvert, enfin, oui. Les différents hubs, ils vont croiser des PNJ, et c'est vrai que ils jouent avec ces codes-là. Un film un peu plus. Alors, quand je l'avais vu au cinéma, j'étais passé à côté et je l'avais pas forcément apprécié. Et quand je l'ai revu bien après en Blu-ray, j'ai adoré ce film-là. C'était le Sucker Punch de Zack Snyder. Ouais, exactement. En fait, tout à l'heure, quand je parlais de level implicite et explicite, eh ben là, t'as les deux. T'as vraiment les deux. T'as ce que tu peux voir directement, que ce soit un public lambda ou un joueur avéré. Là tu as vraiment le level design explicite et implicite. Ouais. Ouais, mais c'est fort possible. Je pense que j'ai pas tout vu, mais j'ai beaucoup aimé. Et puis il avait une bande son absolument exceptionnelle. Mais ouais, et puis il joue sur. Il y a vraiment ce cadre à la fois théâtral, mais ce cadre du jeu vidéo. Parce qu'effectivement, donc ils auront différents levels, ils auront différentes missions à faire en coop, et en même temps, il y a même un jeu dans le jeu, puisque après ça dépend comment on interprète le film ou pas. Mais c'est qu'en fait c'est un personnage qui rêve. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Après, il faudrait voir. C'est un personnage qui rêve et donc qui joue d'autres personnages. Donc il vit plusieurs histoires, donc il y a un jeu dans le jeu, une sorte de système de poupée russe, de mise en abîme, puisque finalement le perso principal du film n'est pas celui qui est mis comme perso principal finalement. Et donc c'est très intelligent, et moi la première fois quand je l'avais vu justement, j'étais resté qu'à la première lecture, et c'est en le re-regardant que je me suis dit non, en fait c'est beaucoup plus intelligent que ça en a l'air. Zack Snyder quand même, avec toutes ses affaires et Warner Bros, s'est fait pas mal allumer, mais je pense que... C'est quand même quelqu'un qui a vraiment des idées visuelles et pas que visuelles aussi, d'auteurs qui sont vraiment très intéressantes. Et Sucker Punch, pour le coup, mariait les deux et c'était vraiment très intéressant. Alors bon, on a parlé là de Ready Player One qui fait pour le coup plein de références récentes. Mais dans le genre aussi, on a parlé de la vue FPS avec par exemple donc Hardcore Henry. Vraiment, mais même si on prend aussi les films de fan footage type Rec et tout ça, c'est pareil avec la caméra, c'est une manière de jouer aussi. Et il y a ce côté-là qui a été repris après dans les codes de films, dans les jeux d'horreur aussi, puisqu'on a les jeux comme Outcast. Il y a aussi, comment que ça s'appelle ? Cloverfield qui faisait ça. Mais il y a aussi un autre truc qui on va dire, le classique du jeu vidéo et qui est dans les films aussi, c'est le fameux Die and Retry. Parce que si vous prenez le Die and Retry, par exemple, vous prenez un film qui n'est pas du tout un film de jeu vidéo, mais prenez par exemple Un jour sans fin, la comédie de Harold Ramis avec Bill Murray. Oui. Et bien en fait, c'est du Die and Retry. Excellent. Parce qu'à chaque fois, il doit atteindre un niveau. Oui, c'est vrai. Et en fait, parce qu'il essaye, en fait, donc l'histoire, c'est qu'il est bloqué la même journée, et en fait, il va essayer de, on va dire, de séduire la fille avec qui il est, qui est Andy McDowell, ce qui est compréhensible quand on est coincé un jour avec Andy McDowell, on a envie de la séduire. Donc il va échouer et à chaque fois revenir. Donc ça, c'était dans une comédie. Et il y aura des films qui seront beaucoup plus jeux vidéo dans ce genre-là. Par exemple, il y a Code Source. Je sais pas si vous l'avez vu. Alors, oui, attends. Excellent. Code source, je te conseille, Johanna, parce que c'est un film de Duncan Jones aussi qui a fait Warcraft. C'est, en fait, c'est avec Jake Gyllenhaal, c'est un gars qui se retrouve dans un train et il doit empêcher une bombe d'exploser et il revit toujours la même séquence. Ah oui, attends, je crois qu'il y a une actrice que j'adore oui, dedans. C'est Bridget. Non, Bridget, non, c'est Michelle Monaghan. Il y a Michelle Monaghan et Vera Farmiga dedans. Ah oui, alors je l'ai vu ce film. Il date de 2011. Mais je le conseille, il est vraiment super bien. Ils utilisent vraiment le côté vraiment d'Alien Retry, puisque pour le coup, vraiment, à chaque fois, la bombe explose. Et donc, à chaque fois, à force d'échouer, il doit essayer de trouver des indices pour justement empêcher cet attentat. Et dans le même genre, on a évidemment, je sais pas si vous vous souvenez tous, là, c'est l'adaptation aussi, Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise. Où c'est pareil, en fait, il avance et donc il doit jouer et donc mourir. Et d'ailleurs, c'était le sous-titre du film, hein, c'était ça, c'était Live, Die et Retry, quoi. Donc il y a ce côté-là et c'est vraiment un grand classique de jeu vidéo, en fait. C'est apprendre par l'échec et recommencer. Et donc voilà, quoi, avec une sorte de checkpoint, quoi. Voilà, quand tu sais que dans le film avec Tom Cruise, c'est ça, pour passer la plage, pour faire ça. Donc ça, je le sais, ben, quand je meurs après, je vais découvrir autre chose. Et c'est vraiment un truc de jeu vidéo pur, quoi. Donc c'est pour montrer que vraiment le cinéma et le jeu vidéo sont liés et que, en fait, finalement, ils se nourrissent l'un l'autre. Il n'y a pas. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas, en fait, de qui était là en premier parce que ça peut aller extrêmement loin. Et moi, ma référence, justement, lorsque j'ai intégré mon école à Bellecour, en fait, je ne sais pas si vous connaissez Mobius. C'est l'auteur de BD. Niveau BD, exactement. Lui, il avait réalisé Major Fatal, donc il y a des années de ça. Et Major Fatal, en fait, c'est une référence, enfin moi c'est ma référence au niveau du level design dans les jeux vidéo. En fait, t'as que du LD dans cette BD, c'est incroyable. T'as l'impression, en fait, que tu lis une BD, je sais pas, j'en sais rien, que tu lis, je sais pas, j'en sais rien, un level design d'un Super Mario Bros, par exemple. C'est extrêmement cool. Et je sais pas de quand elle date exactement cette BD, mais ça doit être facilement... Mais en fait, depuis que le jeu vidéo a été créé, je pense que forcément que le cinéma a pris des codes, pas dès la naissance, mais en tout cas depuis que ça a été démocratisé, avec l'informatique, jeu vidéo, puis donc l'informatique, ben on se rend compte que ça a été pris... Ça a été pris et intégré, puisque voilà, bah, tout de façon, je vais pas faire des grands discours, mais tout art se nourrit l'un l'autre de toute manière. Surtout quand il y a un côté technique et narratif, parce que les deux partagent ça quand même au cinéma, même s'ils le font pas de la même manière. Cinéma et jeux vidéo, pas tous les jeux vidéo, mais je veux dire, il y aura toujours un côté technique et narratif. Ça peut être narratif, ne serait-ce que par le gameplay, pas forcément par une histoire, hein, en fait. Donc forcément, ils sont vraiment. Ils sont liés l'un l'autre et ça fonctionne quand ils se nourrissent, pas quand ils se singent. Le problème, c'est que des fois, ils se singent un peu les deux. Enfin, ça, c'est que mon avis. Mais... Ouais, c'est sûr. Et puis après, il y a le jeu vidéo qui s'est dernièrement Battle Royale. C'est vrai qu'il y avait un film qui t'adaptait même d'un. Alors, je sais pas si c'est le manga en premier ou le film en premier. Alors, le Battle Royale en film. Je sais pas quand il date le Battle Royale en film. Année 2003 de mémoire. Début des années 2000, oui, c'était de. C'était des jeunes même un peu. Des jeunes. C'est des lycéens. Les protagonistes du film. C'est des lycéens. Oui. Ouais. Oui, c'est, voilà. C'est deux. Fukasaku. C'est 2001. 2001 production. Kenji Fukasaku, qui est un super réalisateur. Vous savez qu'en fait, il a fait ce film-là. Le mec, il est assassin, je suis désolé. Mais non, il était déjà très vieux, en fait, quand il a fait ce film-là. C'est un mec qui a fait des super films de Yakuza dans les années 70, comme Combat sans code de morale ou Le cimetière de je sais plus quoi. Enfin, il a fait plein de films japonais de Yakuza. Si vous aimez ce genre-là, dans les années 70, c'est super bien foutu. Et en fait, il a fait ce film-là, Battle Royale, à plus de 80 piges, je crois. Il est décédé 3 ans après pendant le tournage de la suite. Ouais, qui était pas terrible. Nul à chier. Mais le Battle Royale était bien, et c'est vrai que maintenant ce truc-là de Battle Royale on retrouve dans les jeux. Ouais, effectivement. Ouais. Il y a un système de loot box en fait. Puisque finalement au début, quand ils ont leur pactage, ils ont chacun en fait des trucs différents et tu sais pas. Sauf que bon, eux ils les payent pas. Donc c'est l'avantage, mais coucou Electronic Arts, mais c'est ce truc là aussi dans le film, c'est pareil quoi. Ils prennent leur pactage et puis il y en a qui peuvent se trouver avec un flingue, exactement. Et puis d'autres avec un comme quoi et c'est ce qu'on a dans les jeux mutuel en fait, hein, mutuel. Ouais. D'un côté on prend un nouveau, on mélange tout ça, ouais, effectivement. On est beaucoup Ben c'est là-dedans. ça, et le plus intéressant, et pour l'instant, ça dans le côté jeu vidéo, en fait, il faut que ce soit pour le meilleur dans les deux cas, en fait. Et bon, c'est vrai que c'est pas encore le truc là. Est-ce que l'avenir va nous dire ça? Justement, ça sera un peu la conclusion ouverte. Faut espérer, faut déjà espérer que le. Alors, du côté jeu vidéo, le cinéma, il intègre mieux les codes. Après, les adaptations, pour en revenir aux adaptations, c'est un peu le point de départ. Oui, quand même. Ben, il faut voir, mais bon, il y a plein de projets qui sont en cours. Il y a par exemple un détective Pikachu qui est en cours avec Ryan Reynolds. Il y a un projet Mario aussi. Ubisoft, ils n'ont Sonic. pas lâché l'affaire. Il y a Sonic, Il effectivement. y a un autre Ubisoft, Mario? Mais je crois qu'il y a un projet Mario ouais, du coup, au Japon, en tout cas. du coup, Ah, au Japon. ça sera vraiment de l'animation. Mais en fait, voilà, il pourrait faire à l'animation. Et d'ailleurs, je crois qu'il y avait une interview de Nolan North, donc il fait Nathan Drake dans Uncharted, et il disait, mais à la limite, là où ça pourrait marcher, parce que lui, il disait, moi, je suis pas. Enfin voilà quoi, il a pas son avis mais à donner, mais il le donne quand même, il a raison. Il dit moi je serais pas forcément pour parce que c'est déjà cinématographique la manière de faire l'histoire, Mais mais ça oui. pourrait marcher en film Un film d'animation? en animation. Mais si tu fais un Ouais. film d'animation, autant garder le jeu vidéo, tu vois. Et ouais, c'est ça. Et Il n'y a pas donc de. c'est vrai qu'en film à gros budget, ben, il y a les projets Uncharted qui sont un peu lancés par Sony, mais c'est toujours en pré-prod, hein, donc ils ont un acteur, mais c'est même pas dit que ça se fasse. The Last of Us, Neil Druckmann a bien déclaré que. Pour l'instant, le projet était mort. Alors, avec la sortie du 2, peut-être que ça le relancera. Il y a un The Division que Ubisoft va produire. Mon Dieu. Et qui, comme. Ouais, mais comme pour le coup, tu vois, c'est un jeu qui était plus un jeu multi, tout ça. T'as peut-être moyen, tu vois, de garder que l'univers et de faire quelque Ah, chose. l'univers est Effectivement. bien, ouais. Mais j'y crois plus, ouais, finalement. Parce que The Division, quand même, ils ont casté de mémoire Jessica Chastain, c'est sûr. Ah ouais, quand Ah. même. Ah Et oui. le réalisateur, c'est pas un peintre. Il faudrait que le projet, je sais pas, il faudrait que je le retrouve rapidement. Bon, Quoi mais qu'il arrive, s'il y a Jessica Chastain, j'y vais direct. voilà, Ouais, et exactement. voilà, il y a Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal. Ah oui. Et Ok. le comment s'appelle le scénariste, c'est Stephen Gagan. Et Stephen Gagan, c'est quand même un mec qui a fait le scénario de Traffic ou de Syriana. Il a réalisé Syriana, qui est un film que je conseille, qui est génial. Un grand film très intelligent et c'est réalisé par le réalisateur, je dis pas de bêtises, l'un des co-réalisateurs de John Wick. D'accord. Donc il y a quand même du beau Ouais, monde, mais quand même. ça ressemble un petit peu à ce qu'ils avaient fait pour Assassin's Creed. Donc à chaque fois, Ubisoft, Ouais, ils prennent du beau monde faut se méfier quoi du et résultat, quoi. Ouais. voilà, faut espérer. Mais vu que Ouais. l'univers en fait était assez. C'est vraiment un univers à Ouais. développer, donc après, pourquoi pas? Donc Je suis d'accord avec toi, Denis on. Jeep, sur le fait que finalement, est-ce que des fois les univers sont pas trop développés? Parce que moi, quand j'ai vu Assassin's Creed, là, déjà, on a quand même. Qu'est-ce qu'on a en tête? On a des tonnes de jeux en tête. On a bien sûr du 1 au 3, on a même les autres, on a tout ça qui s'entrecoupe. Donc on arrive à la séance, déjà, on est trop chargé, je pense, pour apprécier le Ouais. film. C'est difficile. Et puis au-delà de ça, moi, quand j'ai vu Assassin's Creed, parce que je l'ai vu hier, donc je peux un tout petit peu en parler, j'ai trouvé qu'il sonnait vraiment creux, en fait. Le problème des adaptations, souvent, et de beaucoup de films aujourd'hui à Hollywood, mais après ça, ça me regarde, c'est très subjectif, mais je trouve que ça va très très vite. C'est un peu cut, cut, cut, machin, et tout s'enchaîne. On est toujours entre plusieurs dimensions. En Espagne, pendant la période de l'Inquisition et dans une époque moderne, ça se mélange trop. Je trouve que le cinéma se pose pas assez. Et peut-être qu'un film comme Silent Hill, si les gamers l'ont aimé et si les gens même l'ont aimé en général, c'est peut-être parce que justement, il y a une atmosphère derrière. Faut qu'il y ait une identité, quoi. Faut que le Ouais. film propose quelque chose Ouais. qui lui ressemble à lui, quoi. Pas qu'il essaie de prendre tous les codes d'Hollywood, qu'il fasse un mash-up de tout ça et qu'il dise, allez, mange ça, quoi. On est un peu trop là-dedans, je trouve. Mais après, c'est mon avis, quoi. C'est Ben, vrai que c'est. non, mais je suis d'accord avec toi. Et surtout, en fait, et là, je vais reprendre l'effet inverse, parce que là, on se passe encore en tant que gamer, mais le gars qui n'est pas gamer, il va être tout aussi paumé dans Assassin's Creed, parce qu'il va avoir des références qu'il comprendra pas. Et c'est ça où c'est toujours difficile pour les films-là, c'est que il faut référencer pour les uns, pas en mettre trop pour les autres. Et c'est là où je Ouais. trouvais que justement, il faut que le film, en fait, marche pour les gamers avec les références. Et il faut aussi qu'il marche par lui-même. Et c'est pour ça que j'avais trouvé que le Tomb Raider, pour en revenir à lui, fonctionner de ce côté-là, si les gens qui connaissent pas trop la saga, que juste Lara Croft de nom, parce qu'elle est connue de nom même par les non-gamers, Oui. ils vont voir s'ils veulent une bonne petite série B, pas plus, hein, d'action-aventure, et ben ils l'auront. Et c'est Ouais. pour ça que prendre un univers plus qu'une histoire et vraiment développer quelque chose, parce que dans l'absolu, c'est ce qu'ils avaient fait avec Assassin's Creed. Ce qui se passe d'un côté de l'Inquisition, c'est un truc nouveau. Et c'est ça qui fonctionne dans le film. Mais dès qu'ils partent avec leur truc de conspiration, où en fait ça devient alambiqué, ils pomment à chaque fois, ils pomment le joueur qui a joué au jeu qui s'y retrouve pas, et ils pomment le néophyte qui comprend pas trop les tenants et les aboutissants. Et le film en plus dure même pas 2 heures. Mais et comme tu dis, c'est, on voulait finir là-dessus, et c'est bien, c'est que peut-être que justement, l'avenir passe pas tant par des adaptations au cinéma, mais comme tu dis, en série télé avec des formats type Netflix et tout ça, et c'est pas pour rien que par exemple on a The Witcher qui est en développement. Par exemple, The Witcher sera en développement, alors ils vont adapter pas les jeux, ils vont adapter les livres, différence, mais en tout cas, ils ont fait un Castlevania aussi en mini série. Les livres que j'ai lu pas entièrement, mais j'ai lu les deux. Le premier étant plein de souvenirs, il me semble. Les deux premiers livres sont des recueils de nouvelles. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai lu que des nouvelles. Mais rien que ça, on sent qu'il y a un potentiel au niveau de la série. Parce que derrière, il y a toute une... Enfin, je veux dire, en prenant le temps, justement, il y a moyen de développer des choses qu'on ne pourrait pas faire sur une toile. Mais tu peux développer les personnages, les inscrire en univers, c'est toujours pareil. Et c'est pour ça que là... Et comme tu dis, tu n'auras pas cet effet de cut. Mais de toute façon, la série télé prend le pas sur le cinéma. Et c'est pour ça. Ce n'est pas étonnant, après, qu'on voit récemment, je fais une digression, mais que, par exemple, Thierry Frémaux à Cannes râle un petit peu par rapport à Netflix. Oui. Parce que, d'une certaine manière, en fait, dans la narration, dans le système de raconter des choses... De toute façon, un jeu vidéo, la plupart des jeux vidéo durent quand même assez longtemps. Donc effectivement, si tu veux vraiment intégrer quelque chose et le développer proprement, t'es obligé, en fait, pas adapter 150 heures en 150 heures, mais t'es obligé quand même de prendre le temps. Et le cinéma, par son format, t'impose, en fait, de faire des coupes. Et ça, c'est très difficile à faire. Exactement. Sur ce, je vais vous laisser chacun dire un petit mot pour la conclusion, parce qu'on va pas non plus en faire des caisses, parce qu'on en a assez dit. Juste avant de vous laisser le mot de la fin à toutes et à tous. Pour ceux qui sont intéressés quand même par le sujet, il y a quand même Alexis Blanchet qui fait des très bonnes choses. Il a fait notamment 2 livres de 2010 et 2012. Donc le premier, c'était Des Pixels à Hollywood. Donc ça parle un peu des jeux vidéo au cinéma. C'était paru chez Pixel Love en 2010. Et il a fait aussi un super bouquin qui s'appelle Le jeu vidéo au cinéma, qui est paru chez Armand Collin en 2012. Vous pouvez trouver aussi des podcasts. J'en ai trouvé un qui paraît de 2012, donc il est assez ancien, qu'il avait donné sur France Culture, qui est vraiment très intéressant. Donc Alexis Blanchet. Suivez-le sur Twitter et tout ça, il donne vraiment des choses très très intéressantes. Pour le reste, un dernier mot à rajouter sur le sujet, que ce soit Johanna, Macrémic, Jérémy. Oui, en fait, moi je pouvais pas finir ce podcast sans avoir parlé de ce que je vais citer maintenant. En gros, je sais pas si vous connaissez Studio Ankama, c'est français. Et ils ont tout le mérite du monde, franchement, c'est incroyable parce que, en fait, on parlait on cherchait un exemple concret d'une licence qu'on pourrait exploiter, que ça soit en jeu vidéo et en film, et ben eux ils ont tout compris. Ils ont créé un jeu qui s'appelle Dofus. Ça a été créé, il me semble, en 2004, je sais pas si vous connaissez. Oui. Un jeu de rôle en ligne. Et du coup, en fait, à côté de ça, ils ont créé le film d'animation Dofus, que c'est le livre 1 Julius qui est sorti, il me semble, en 2015 à peu près. Et à côté de ça, ils ont également leur dessin animé Wakfu. Donc ça va être des univers un peu différents certes, mais qui vont se retrouver, et là t'as la qualité visuelle, là t'as la qualité sonore, t'as également, que ça soit pour le film ou le jeu vidéo, mais surtout pour le film, que tu sois en fait novice ou pro gamer, tu te retrouves en fait et tu t'attaches au personnage, et c'est juste très beau, c'est magnifique, et voilà, pour moi c'est vraiment la licence, enfin Studio Ankama, eux ils ont tout compris, que ça soit en jeu vidéo ou en cinéma, l'adaptation cinématographique, adaptation en jeu vidéo, tout est parfait pour moi, voilà. Ouais, mais là justement ça devient transmédia, et c'est même plus une adaptation en fait, c'est juste que tout est calculé pour faire, enfin ils calculent pour faire un produit, en fait, des produits complets culturels en même temps, adapté en fait, c'est développé dans la même manière, mais effectivement c'est peut-être aussi la bonne solution de développer un peu à l'image de ce que font les Marvel et tout ça, où les Marvel justement ils vont investir dans le jeu vidéo pour faire leur jeu de vidéo Spider-Man, bon qui sera pas canon, hein, mais voilà, tu vois, faire un mélange, tout interconnecté. D'ailleurs, ça me fait penser cette histoire de transmédia. Très rapidement, puisqu'on parlait de séries télé, il y avait les tentatives de Remedy avec Quantum Break, par exemple, où ils avaient intégré justement la série, qui était une bonne tentative. Le jeu, moi, m'a déçu parce que je m'attendais à mieux de la part de Remedy. Mais ils avaient tenté justement, il y a aussi un jeu qui s'appelle, je crois que c'était Défiance, où il y avait ce côté, le jeu, et en même temps, il y avait une série. Et donc, voilà, ils essayaient de tout interconnecter. Et donc, voilà, il y a encore des tentatives qui sont faites. Et effectivement, peut-être que réussir aussi des bonnes productions, c'est peut-être passer par là aussi, faire du transmédia, mais le calculer déjà en amont comme transmédia, en fait. et pas en fait adapté après coup. Donc, mais en tout cas, ouais, voilà, bah, écoute, le big up à Ankama est placé. C'est vrai qu'en plus, c'est bien de parler des studios francs. Non, mais ouais. C'est bien de parler des studios français. En plus, pour parler de raconter ma vie passionnante, le dessinateur avec qui je suis en train d'écrire une BD est en train d'en faire une pour Ankama aussi. Donc voilà, c'est des gens très bien Ankama. S'il a des contacts chez Ankama, n'hésite pas, hein, parce que c'est mon rêve en fait d'intégrer le studio. Donc, voilà. Ok, carrément. Mais alors, n'hésitez pas. Puis déjà en commentaire, si vous voulez, allez-y. Mais Macrémic, Jérémy, avant de finir, petit mot. Ouais, je voulais rebondir sur Ankama et donc ce qu'ils font entre le jeu vidéo et le cinéma ou la série. Il y a un grand nom qui avait tenté un truc à l'époque, mais qui s'est un petit peu vautré. C'est James Cameron avec Avatar. Parce qu'à l'E3, alors je ne sais plus de quelle année, mais c'était début 2010, parce qu'Avatar, il date de quand ? 2009, par là ? 2009, Avatar, ouais. Fin 2009. Voilà, il me semble bien qu'il était à l'E3 de 2009, et justement, il avait expliqué un petit peu son projet de faire un jeu vidéo Avatar, et il voulait vraiment axer ce projet-là sur le lien entre son film et le jeu vidéo. Malheureusement, je pense qu'il s'est complètement vautré, parce que bon, le jeu vidéo, ça a été un échec. Enfin, comparant au film, en tout cas, ça a été un échec. Et voilà, donc, on peut le faire encore, on peut tenter, mais bon, voilà. Bah, lui, il a beau être grand, mais il s'est lamentablement planté. Je pense que ça a dû en refroidir certains. Mais bon, voilà, il y a toujours possibilité à le faire, mais c'est peut-être plus dans les petites productions qu'on va prendre ce genre de risque, en fait. Ben oui, ben souvent après c'est pareil, et on n'a pas du tout parlé de ce pan là, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un pan aussi où au début, avant d'avoir les adaptations de jeux vidéo au ciné, c'était le cinéma qui adaptait des grosses licences, puisqu'on a eu dans les années 80, bon, on a eu Star Wars, on a eu les Batman, Indiana Jones, plus tard on aura eu, comment ça s'appelle, on a eu après dans les années 2000 tous les Seigneurs des Anneaux et tout ça, donc effectivement il y a plein de trucs, en tout cas ça laisse des portes, ça laisse une porte ouverte à pas mal de choses, toujours est-il que bon, moi, je vais refermer celle du podcast de porte. Donc, je vais remercier Johanna. Donc, Johanna, je te remercie d'avoir participé. Bah, je te dis à bientôt. Oui, surtout, oui, à bientôt. Et puis, si j'ai des nouvelles d'Ankama, mais que je ne connais pas du tout, donc bon, mais pourquoi pas. Ok. En tout cas, merci, puis on se retrouvera peut-être pour un prochain podcast, sans problème. Je vais remercier aussi, donc évidemment, Jérémy, donc, pour cette première. J'espère que tu es content et que tu reviendras peut-être, toi aussi. Oui, je suis très content d'avoir participé. Et c'était un super moment, puis ça fait plaisir un peu de repenser à tout ça, aux adaptations, parce que c'est pas tous les jours qu'on y pense, mine de rien. Donc c'était cool. Merci. Bon, bah ok, donc je rappelle Jérémy que vous pouvez trouver @JérémyValade sur Twitter et vous aurez les liens vers sa chaîne sur YouTube où il y a donc cette rubrique qui s'appelle D'amour et d'histoire et qu'on peut retrouver aussi sur PodCloud, SoundCloud, iTunes. Et je vais remercier aussi. Macrémic qui lui vous ne le retrouverez nulle part si ce n'est sur ces podcasts là, mais c'est déjà super bien, donc merci Macrémic d'avoir fait le service avec moi. Pas de problème, bon, c'est vrai qu'on a essayé de faire court, il y a des tas de trucs dont on voulait parler, mais bon, voilà. Et oui, on fera, c'est ça en fait, mais on a un format cinéma et il faudrait qu'on fasse une série nous aussi en fait, c'est Existence, ça. Existence, Avalon, on les avait notés, on voulait en parler et puis. Et oui, en fait, on voulait parler. C'est vrai qu'on voulait parler des films qui sont tirés sur jeux vidéo, c'est que Existence, Avalon, chef-d'œuvre. Vraiment de Mamoru Oshii de 2001. Réalisateur de Ghost in the Shell. Exactement, ouais, que je conseille beaucoup. Il y a même Shoot 'Em Up, qui quelque part, en termes de gameplay, est un film avec Clive Owen, qui est un peu le Max Payne du cinéma, sauf qu'il n'y a pas vraiment de scénario derrière. Version réussie, ouais. Mais oui, il y a plein de choses à en parler, on ne pouvait pas tout couvrir. Donc n'hésitez pas en commentaire, si vous avez des commentaires par rapport à ce qu'on a dit, ou des choses qu'on a oubliées, ben justement, ça sera l'occasion en commentaire de le dire. Comme d'habitude, ben moi je prends plaisir à lire vos commentaires, je prends plaisir à y répondre, l'échange c'est ce qui est le plus important, l'interaction. C'est un truc que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous voulez liker, vous pouvez liker. Si vous voulez mettre des pouces rouges, personnellement, je trouve que ça sert à rien, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, hein, c'est votre choix. Partagez, vous abonnez, vous connaissez le fonctionnement. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, geekez bien, jouez bien, et puis au cinéma, profitez bien des films qu'il y a, adaptation jeux vidéo ou pas. Allez, ciao, ciao.